Attention, les retransmissions sont maintenant contrôlées par la secte du jeu vidéo. 1977. Alors que personne ne croyait en son film, George Lucas va secouer le vieil Hollywood avec une saga de science-fiction, maintenant entrée dans la légende. Star Wars. Bien ancré dans la pop culture, l'univers de Tonton George a bien sûr eu droit à une montagne d'adaptations vidéoludiques. À l'occasion de l'arrivée de Battlefront et de l'épisode 7, la team Jeux Vidéal va s'amuser à parcourir cet univers culte pour ressortir le meilleur, et bien sûr le pire, des jeux vidéo estampillés Star Wars. Camarade Wookie, le jeu vidéal, c'est parti. Using me with someone else? Finish him! Yeah! Let's rock! Camarades gamers, bonjour et bienvenue dans ce second numéro du Jeu Vidéo, le podcast, bien sûr, jeux vidéo, vous l'aurez compris, du site pcqdg.com et de Xboxygène. Et oui, nos camarades d'Xboxygène, ils sont là, ils sont avec nous, et on est toujours très contents de faire ça en coopération avec eux. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de Star Wars, on est au plein milieu d'une galaxie lointaine, très très lointaine. On va revenir sur cette saga culte de George Lucas et sur, bien sûr, les jeux qui ont fait sa renommée, puisque bien sûr, c'est une franchise extrêmement juteuse et ils en ont énormément profité. Et ce qu'il y a que des bonnes choses, ça on va voir que non, forcément. Et je ne suis pas seul, je suis entouré de mes comparseurs. Pas forcément habituels, vous allez le voir aujourd'hui. Il n'y en a qu'un, un irréductible qui est présent, puisque Matt, alors il a une bonne excuse, il a l'excuse du mariage. Bon. Ouais, voilà, donc on va dire qu'on va, on va l'excuser, on va lui faire un petit bisou en tout cas. Bravo à lui et à sa chère compagne qui va devoir supporter le bonhomme pendant le reste de sa vie. Et donc, vous l'avez déjà entendu, je suis avec un mélange improbable d'un maître Jedi et d'un Wookie grognon. Et donc, c'est Rhône. Bonsoir, Rhône. Bonsoir à toi, bonsoir à tous. Ça me fait super plaisir, comme d'habitude, d'être avec vous. Ou plutôt avec vous. Ah, c'est plutôt sympa, monsieur Yoda. En plus, tu es très solennel déjà au lancement. Je suis très content d'être avec vous. Ouais, ah, c'est toujours le début de podcast un petit peu gêné, mais ne t'inquiète pas, je sens que ça va sortir dans pas longtemps. Un autre Kenobi, parce qu'il faut savoir que Rhône utilise parfois le pseudo Rhône Kenobi un petit peu partout sur l'internet. Il défend la nature, il défend la planète à l'aide de son sabre laser. C'est David Kenobi, aussi d'Xboxygène. Bonjour David. Salut, bonsoir à tous. Merci beaucoup de... Ouais, carrément. Merci beaucoup de m'inviter dans votre podcast. C'est avec plaisir. D'autant plus que, comme je viens d'apprendre que tu n'écoutais même pas, je sais même pas pourquoi je t'ai gardé. Hein. Je suis profondément vexé. Non, je pense qu'on va passer un bon moment en ta compagnie. Tu es un grand fan de Star Wars. On a eu la chance, tu as eu la chance de jouer avec moi. Il faut quand même savoir que c'est quand même de la chance. De parcourir la bêta et tu as vu mes talents de pilote. Ah, j'ai vu tes exploits, ouais. Voilà. On va pouvoir raconter quelques trucs. Magnifique. Écoute, en tout cas, très content de te compter parmi nous aujourd'hui sur ce spécial Star Wars. Pour terminer, nous sommes en compagnie. Alors lui, il déteste les maîtres Jedi. Lui, c'est plutôt maître Sega qu'il kiffe. C'est Manji Maru, donc de jeux de pixels et de Sega Legacy. Bonsoir, Manji Maru. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Bah ça va bien. Je suis content d'être là. Ça fait plaisir d'être invité chez vous. Bah écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir, parce que j'ai déjà eu la chance de participer à un podcast avec toi sur Monkey Island chez Jeux de Pixel. On a passé un très très bon moment avec nos camarades de chez Jeux de Pixel. C'est toujours très agréable d'ailleurs de passer chez vous, et d'ailleurs j'en vous conseille d'écouter les podcasts de Sega Legacy et de Jeux de Pixel. Voilà, c'est des moments toujours très très agréables. Donc tu es fan aussi de Star Wars, et même toi qui m'as proposé le sujet, donc voilà pourquoi tu es ici. Bien sûr, depuis ça a bercé mon enfance, enfin ma jeunesse on va dire. Et puis voilà. Puis mais c'est vrai que les jeux vidéo, les jeux vidéo Star Wars, ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé jouer. Donc voilà, on est là pour en parler. Eh ben c'est cool. En tout cas, sachez messieurs que c'est une Madeleine de Proust pour beaucoup de monde. Donc vous risquez de vous en prendre plein la gueule par rapport à ce que vous allez dire à partir de maintenant. Alors on ne perd pas de temps et on décolle directement dans la galaxie de cette première partie spéciale Star Wars. Le jeu vidéo. dossier. Mais bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est face à un grognon Wookie et forcément, on va commencer par la zone grognon. C'est parti. Voici l'instant grognon. Moi, j'aime pas. C'est gamin que j'ai découvert Star Wars. Lors d'une ressortie au début des années 80 du premier épisode, juste avant l'arrivée du deuxième. C'était incroyable, formidable, complètement inédit, c'était un rêve devenu réalité. Depuis, comme des millions de garçons, je suis un fan de Star Wars. Je dirais même un fan hardcore, connaissant la trilogie sur le bout des doigts. La trilogie. Car pour moi, il n'y en a qu'une qui existe vraiment. D'ailleurs, c'est à cause de l'épisode 1 que je suis devenu le grognon. Avant ça, j'étais un jeune homme aimable et charmant, une sorte de gendre idéal aux passions raisonnables et à la conversation consensuelle. Une sorte de jeune niais, en quelque sorte. On pourrait donc dire que c'est l'épisode 1 qui m'a déniaisé, une fonction du film que Lucas n'avait sans doute pas prévu. Bref, laissez-moi vous raconter l'histoire. Pour les fans, l'arrivée de la prélogie a rendu tout le monde un peu fou à l'époque. Tellement qu'avec quelques acharnés comme moi, nous avons décidé d'aller en Angleterre, à Londres, pour voir le film le plus tôt possible, puisqu'il sortait quelques jours plus tard en France. Nous avions téléchargé, en quelques heures seulement, une bande-annonce plutôt affreuse, ressemblant à une cinématique PS1 en moins pixelisée, mais on a mis ça sur le dos de la taille de l'écran, de... Voilà, c'est... L'illustration même du New Hope de l'épisode 4. Des fans bien concons et remplis d'espoir. Ça nous a coûté le prix d'une couille et demie pour le voyage plus l'hôtel, un bed and breakfast miteux que même les prostituées du coin évitaient. La nuit, quand les cafards se déplaçaient, on avait l'impression qu'ils avaient des bottes. Je n'ai pas osé allumer la lumière pour vérifier. Une couille et demie donc, parce que tout était très cher, mais aussi parce qu'elles étaient devenues inutiles, tant notre sex-appeal d'homme avait pris du plomb dans l'aile après l'organisation d'un week-end si puéril. Mais on s'en foutait. On voulait des vaisseaux, des sabres laser et de la force à tout va. On va pas se mentir, dans la file d'attente du cinéma, la pression montait. Une fois installé, encore plus. Pour finalement exploser dans une libération orgasmique quand les premières notes de John Williams sont résonnées. Et là... C'est le drame. Pendant le film, je crois qu'on n'osait pas se regarder. Tous consternés par la destruction organisée du mythe. Des acteurs qui s'emmerdent, des visuels gerboulatoires avec de jolies couleurs pastel, un design consternant, une absence de cohérence avec ce qui est censé se passer après qui laisse pantois, un scénario... Oh là là, le scénario... À l'époque, je jouais aux jeux de rôle Star Wars, et j'étais souvent maître de jeu. Si j'avais proposé un scénario pareil à mes joueurs, je pense qu'ils m'auraient insulté et qu'ils m'auraient lancé à la tête leur dé. Et puis, les gags incessants tellement infantiles que d'un seul coup, les Ewoks deviennent comparativement un concept pour film classé X. Quand Jar Jar a fait pour la première fois le même bruit que Jolly Jumper, la honte d'être là a été tellement forte que j'ai dû me battre avec moi-même pour ne pas quitter la salle en hurlant, acheter un fusil à pompe et me mettre à abattre toute personne osant ne pas vomir à la sortie du film. En ressortant de la salle, je n'étais plus le même. D'aimable crétin, j'étais devenu un individu au mental hirsute et violent. Bref, je suis devenu le grognon. Et là, vous vous demandez sans doute pourquoi je parle de cinéma et non pas de jeux vidéo. Eh bien tout simplement parce que les jeux qui exploitent ces licences étonnamment oscillent entre le pas mal et l'excellent. J'en ai bien trouvé quelques-uns de pas terribles, mais pas non plus infamants, et surtout largement contrebalancés par d'autres qui sont très bons. Comme je suis la personne qui est la moins de mauvaise foi du monde, soit je grognais après les films, soit je ne grognais pas. Bon, le choix a été vite fait. Eh ben dis donc, Missa pas très gentil avec Monsieur Jar Jar. Écoute, je pense que t'as résumé un petit peu. Alors certains ont aimé. Alors, on va pas non plus leur jeter la pierre, c'est pas non plus notre but ici, mais il est clair que moi, la vision de l'épisode 1 me semblait déjà plus vieux que l'épisode 4 qui était sorti à l'époque. Je trouvais que techniquement, tout miser sur le numérique, enfin, la preuve, c'est pas vraiment ce qui va servir le plus la saga. Alors, justement, on va rester un petit peu sur le cinéma avant de passer au 100% jeu vidéo. Donc, on va revenir un petit peu sur la saga Star Wars, donc créée par George Lucas à la fin des années 60. C'était donc les films qui lançaient le nouveau Hollywood avec Spielberg et son Dents de la Mer. Donc ils ont propulsé ces deux réalisateurs au firmament d'Hollywood et ont lancé les blockbusters. Alors quel avait été votre premier contact avec l'un des films de la trilogie, si je te demande, Manji Maru, pour toi? Donc je pense forcément que tu as dû commencer par l'épisode 4, mais bon, pas forcément, des fois on tombe sur des morceaux de films. Alors quel a été ton premier contact avec Star Wars? Alors l'épisode, je sais plus lequel c'était en premier, mais alors de mémoire, ça passait sur la merveilleuse chaîne La 5. Ah, La 5. C'était une rediffusion sur une de ces chaînes. D'ailleurs, je l'avais enregistré en VHS, donc c'était et je me suis repassé en boucle la cassette. Elle passait même plus à la fin tellement je l'ai repassé pas cette fois. Et donc je sais plus. Il me semble que ça devait être l'épisode 4, hein, donc le tout premier que j'ai vu. Mais bon, j'ai de suite accroché, et puis bon, comme j'étais gamin à l'époque... Donc là, tu te rappelles à peu près J'en ai aucune idée, je avant me souviens 10 ans. Plus du tout. Oui, avant 10 ans, ouais. La 5, je sais plus quand est-ce que c'était, quand est-ce que qu'elle avait émis. 80, je sais même plus, ouais, la 5. Ouais, je sais pas trop, je dirais bien dans les 84, un truc comme ça, non? Ouais, je crois que c'est ouais, par là, je dirais ça aussi. Je pense que c'est vers les années 87... Ça doit être 87-88, je pense, que j'avais dû le voir là. Et puis bon, de suite, voilà, j'étais fan de Lego en même temps, ben voilà, j'avais inventé les Lego Star Wars avant l'heure, quoi. Ah, donc, t'aurais pu te faire du blé, mec. Ouais, mais j'étais trop con. Je crois qu'on l'a tous fait. C'est clair. Donc moi, je prenais des Playmobil et je faisais semblant. Et j'étais un peu ridicule. d'accord, donc Star Wars premier sur la 5. Donc la classe, quoi, la chaîne de la jeunesse. Effectivement, aux années 80, on s'en rappelle tous avec émotion. David, après, je laisserai le grognon parler un petit peu de son premier contact. Quel a été ton premier contact avec la saga Star Wars? Eh ben, c'était un petit peu comme Manji. Écoute, c'était à la télé, en commençant par le 4. Voilà, c'était le rêve à l'époque, quoi. Il y avait ce mélange d'aventure, de découverte spatiale avec les combats, le côté mystique avec Yoda. Enfin, c'était carrément incroyable, quoi. Et pareil, j'étais tout jeune et dès la fin du film, voilà, j'essayais de déplacer les objets, tu vois, à distance. Enfin, j'étais à fond dedans, quoi. Et du coup, on est d'accord, à l'époque, on avait les vraies versions des films. Hein, c'était pas avec vieux rajouts dégueulasses qu'on a dans les années 90, quoi, donc c'était les vraies versions. Et oui, toi qui écoutes ce podcast et peut-être qui es jeune, tu n'as pas connu les vraies versions de Star Wars avant que Monsieur George commence à péter un câble et veuille rajouter n'importe quoi. Mon petit Rhône. Ouais, moi j'ai le privilège d'être vieux, hein, c'est un peu ce que je disais. Moi, les films, je les ai découverts en salle. Ah la vache! Alors le premier, c'était une rediffusion. Si vieux pas que ça. Au moment de sa sortie quand même. Ouais, ouais. Mais donc j'ai dû les voir juste avant, je crois que ça devait être juste avant mes 10 ans, j'ai enquillé le premier et le deuxième au cinéma, et je crois que c'est encore plus balèze, quoi, c'est les conditions rêvées. Quand t'as cet âge-là dans une salle, rien que le générique qui pète, déjà, boum, t'as les neurones qui commencent à fondre, il y a des vaisseaux spatiaux partout, c'est génial, enfin ça, c'est vraiment un truc de malade, ce Star Wars, quoi. Et je pense que tous les garçons qui ont le même âge que moi et qui ont découvert Star Wars dans les mêmes conditions, en fait, on est tous obligatoirement des gros fans. C'est pas possible. Vraiment tout de suite, ça, que ça, c'est fou l'efficacité de ce film-là et même des trois premiers films, enfin surtout les deux premiers. Moi, je trouve vraiment que tu vois ça quand t'es jeune. Pour moi, obligatoirement, tu tombes amoureux. Enfin, t'as envie de plonger dans l'univers et ça fonctionne à 100%, quoi, clairement. Ah, puis moi j'ai bouffé les VHS quand elles sont sorties, ça m'a coûté une thune pas possible, j'ai maté, je crois que j'avais même le Laserdisc. Ouais, le Laserdisc. J'ai réacheté les VHS en VO parce qu'on avait annoncé que papy Lucas allait faire son bidouillage merdique là, et donc supprimer les anciennes versions, donc ça je les ai toujours. Voilà, j'ai quelques petits trucs, il y a Star Wars comme ça que je garde bien. Petit trésor. Ah, parce que les trésors, les VHS d'origine avec les... Parce que il avait ressorti une version DVD, je crois, de ces films-là, oui. En 4 tiers. Enfin, il a dit, vous voulez mes montages, les gars, bah, prenez de la merde, je vous les refais pas, vous aurez des vieux montages dégueux, vous serez contents, bande de salauds. T'es quel... Mais en THX, en THX. T'as un 4 tiers en THX. Avec un son mono dégueulasse, même pas retravaillé. Date de sortie en DVD en 2006. Hein. 2006, à la vache, je me rappelle, j'avais pris le coffret et moi j'avais. Donc là, j'ai vraiment découvert les nouveaux montages et j'ai un petit peu pleuré. C'était assez triste. Alors, je vais maintenant vous demander une chose sur les 6 épisodes. Je pense qu'on n'ira pas forcément dans les trois derniers. Quel est votre Star Wars préféré, messieurs David? Quel est ton Star Wars, celui de l'amour, celui que tu pourrais regarder en boucle sans t'arrêter? C'est difficile de dissocier les trois épisodes, mais... Ouais, il y en a un qui est plus fabuleux que les autres. Quand même. Le retour du Jedi, ouais, évidemment. Ah non, moi j'aurais pas dit ça. Ça. Toi tu aimes les bonhommes poilus, toi tu aimes les Wookiees. Ouais, voilà, c'est ça. Tu aimes les Wookiees et les Ewoks, toi tu... Il aime quand ça sent l'homme, quoi. Voilà, tu aimes quand ça sent l'homme et que ça gigote partout. Ouais. Voilà, achète mes peluches, achète mes peluches. C'est difficile de départager un des trois. Ils ont chacun leur kiff. Le 5. L'Empire contre-attaque, pour moi, c'est un film merveilleux. Ah ouais. Et je l'ai revu encore récemment, et donc avec le Blu-ray qui est assez formidable quand même. Mais je trouve que l'Empire contre-attaque est juste parfait. Il y a des films comme ça où tout fonctionne, et l'Empire contre-attaque, il y a tout. Alors forcément, on a le côté un peu plus sombre. Je trouve que l'histoire est vraiment parfaitement racontée. La mise en scène est cool. Enfin, il y a plein de scènes ultra cultes dans l'Empire contre-attaque. Manji, quel est ton Star Wars? Tu m'as ôté les mots de la bouche, hein. Moi c'est l'Empire contre-attaque aussi. Aussi, c'est ouais. Rien que pour quelques passages vraiment cultes, hein, comme qu'on a revu récemment sur la bêta avec la bataille de Hoth. Exact. Et quand même. Avec un passage hallucinant. Ouais, c'est clair. Absolument hallucinant. Rhône? Bah ouais, l'Empire contre-attaque en fait. Comme tu dis, pour moi c'est le parfait, c'est l'épisode parfait, c'est l'épisode pivot, c'est celui où les méchants gagnent. Où on se rend compte à quel point Dark Vador est un putain de badass, qu'il est vraiment balèze. Tout est puissant, il n'y a vraiment rien à acheter. Après, il y a des choses que j'adore. Oui, bien sûr, mais clairement. Mais je... Le couloir de l'étoile noire, c'est génial. La course dans la forêt. Merci, Andor, voilà, c'est la génial. Il y a des trucs incroyables, mais après, il y a des petites maladresses. Enfin, dans le troisième, il y a des petites maladresses qui font que je peux pas le mettre au même niveau, là, avec la flotte de pacotille. Et. On va dire des climax pas forcément très heureux, peut-être. Mais bon, je pinaille, hein, parce que j'adore cette trilogie dans son ensemble. Très bien, bah écoutez, maintenant qu'on a parlé d'un peu... On va pas revenir sur les trois derniers. Donc on a parlé de la menace fantôme, qui est déprimant au fur et à mesure des visionnages. Je trouve vraiment que c'est de pire en pire. Et ça vieillit extrêmement mal. J'ai un peu plus c'est de tendresse. Ah non, mais il vieillit très mal. Ces épisodes-là, ils vieillissent, mais beaucoup plus mal. Mieux même mal éviter que... de les revoir. Hein. Ouais, mais surtout le 1. Hein. Franchement, le 1, il est catastrophique. Hein. Le combat entre les deux armées numériques intégrale où t'as uniquement du fond bleu pour le ciel et un truc tout vert par terre, mais c'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Georges, tu es dégueulasse. Faut quand même ils en sont bien conscients. Ils en sont bien conscients vu que ils ont prévu justement d'éviter d'utiliser au maximum les CGI pour le prochain. Ah mais c'est tout à leur honneur et ça c'est grâce à George Miller et son Mad Max. Il a dit regardez avec des vraies cascades, avec des grosses baloches, voilà ce que ça fait dans un film, quoi. Ça vieillit bien, ça marque bien. Alors puisqu'on parle du 7e et après on reviendra aux jeux vidéo, qu'est-ce que vous attendez de ce 7e épisode? Alors je vais d'abord commencer, comme ça je vous laisse la parole complètement. Moi je suis à la fois impatient, pas forcément inquiet, parce que je trouve que le petit Gigi c'est un bon faiseur et il peut faire des belles choses. Il l'a montré avec Star Trek, il a relancé aussi Mission Impossible, Super 8, moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique, même s'il y a quelques petits défauts. Mais le fait, comme le disait David, de revenir à des maquettes, à du dur au niveau des décors, au niveau des vaisseaux, etc. Je pense vraiment que ça va donner un cachet assez sympa au film. J'ai juste peur que, et c'est un peu le risque aussi du Disney avec Marvel, c'est au niveau de la prise de risque, j'ai un peu peur qu'on soit un petit peu dans l'anti-prise de risque justement et qu'on essaye vraiment que de brosser les fans dans le sens du poil et de toucher une nouvelle génération, ce qui est pas mal, hein. Mais j'ai peur du manque de surprise. Alors, je vais vous laisser un petit peu la parole. Tiens, Manji, qu'est-ce que tu attends de Star Wars 7? Moi, alors, bizarrement, j'en attends pas grand-chose. D'accord. Je l'attends impatiemment, mais en fait, j'essaye de pas trop me mettre de pression dessus, parce que, voilà, j'ai encore en mémoire le tragique épisode 1, où j'attendais mes deux pieds fermes, où c'était vraiment le premier Star Wars que j'allais découvrir au cinéma. Donc là j'essaie de pas trop me mettre en pression pour pas être déçu. Après, j'ai un peu peur aussi comme toi que ça soit un peu trop mainstream pour que ce soit vraiment, que ça plaise vraiment au plus grand nombre, histoire de faire un max de blé, parce que c'est Disney derrière et que voilà. Donc ça me fait un peu peur, mais bon, on verra. Parce qu'en plus la machine est déjà lancée, hein, on vous vend les figurines là, du truc qui roule, on a fait des préventes maintenant à minuit pour vendre des figurines, etc. Donc ça commence clairement à être le rouleau compresseur, qui commence déjà on ouvre les ventes maximum. Star Wars, ouais, voilà, exactement. Donc là le marketing est lancé à plein régime. Rhône. Bah non, moi je suis plutôt impatient. Alors c'est pas une bonne idée parce que je risque d'être déçu. Tu vas en Angleterre dire, il a plus assez de couilles là pour. Alors en fait, ouais c'est ça. J'ai plus qu'une demi-couille. Hein, je suis plus les moyens. Moi. À vrai dire, j'étais hyper méfiant suite au massacre organisé de la deuxième trilogie. Et puis après, il y a eu le nom, il y a eu J.J. Abrams. Je fais ah merde, Star Trek c'était quand même vachement bien. Et là, il y a eu le petit trailer et je me suis un peu pris une claque parce que le premier trailer diffusé, il faisait 9 secondes. J'avais l'impression d'avoir vu plus de Star Wars que dans les 3 derniers films. Ouais. En plus, le film ouvre sur un Stormtrooper noir qui est une espèce d'énorme fuck au principe des clones. On nous bassine avec les clones depuis 3 films. Bah non, nous, on nous montre un Stormtrooper. Manifestement, c'est pas un clone, quoi. Tu suspenses. Donc je trouve ça intéressant dès le départ. Il y a le Faucon Millenium, il fait un demi-tour rêvé comme on a envie d'en voir. Donc même si le film peut se révéler décevant, je dois dire que je suis pas hyper exigeant. Moi ce que je veux voir, c'est des vraies batailles spatiales qui envoient. Et dans Star Trek, on a vu qu'il savait faire, donc je suis confiant là-dessus. Je veux des Jedi qui font des trucs que les hommes normaux ne savent pas faire et qui pètent un peu la classe. Il faut que ça pète la classe. Où est Obi-Wan qui calmement, rien que par sa présence, calme tout le monde. Voilà, moi c'est ça que j'ai envie de voir. Et puis, du fanservice, ouais, mais moi si c'est pour des fans comme moi, ça me va. Il en faut, il y en aura. De revoir Harrison Ford dire c'est bon de revenir à la maison. Bah, au début, je trouvais ça con de reprendre les acteurs, mais de le revoir, bah, ça m'a fait un petit truc. Et je me suis dit, ah bah ouais, j'ai bien envie quoi. Donc ouais, je suis bien impatient et je serai dans la salle à la sortie. Ok. Ouais. Et toi, mon petit David Kenobi, dis-moi David, est-ce que tu as peur de Star Wars 7 ou pas? Eh bien, écoute, mon petit Creepers, j'attends d'être surpris. J'essaye de pas me mettre trop la pression comme Manji. On a peur hein, quand même. Hein. On flippe tous quand même. Non, mais je pense que ça va être dur quand même de détrôner quand même la trilogie originale. Maintenant, c'est vrai qu'on sait que J.J. a vraiment un gros talent. Je me rappelle la première fois que j'avais vu Star Trek... Au cinéma, l'intro, les 15 premières minutes, j'étais bien accroché au siège. C'était cool, c'est vrai que c'était cool. Ouais. Et en même temps, avec Super 8, il a montré qu'il savait faire des choses un peu plus dans des ambiances un peu plus intimes, un peu plus approfondies et tout ça. Il a vraiment du talent. Là, il a donné une interview à Vanity Fair il y a 2 jours en disant qu'il avait la main totale sur la version finale, sur la final cut avant la diffusion du film. Donc voilà, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Quoi. Il doit quand même faire un petit peu d'huile avec ses fesses, hein, je pense, en attendant la sortie du. Bah, je pense qu'à chaque trailer, etc., il doit faire ce qui est normal. Il doit avoir une grosse pression, quoi, c'est sûr. Le mec, il a quand même eu Star Wars et Star Trek. Le film est attendu par des millions. Ah bah là le mec, il le monde, quoi. Faut pas qu'il se loupe. Il fait que les stars le mec. Il va faire Starman. Il fera la comédie musicale Starmania. Ça va être génial. Ça va être génial. Avec un Balavoine en digital, ouais, c'est cool. Ça va être formidable. En tout cas, messieurs, je pense qu'il y a une chose sur laquelle on va tous être d'accord, c'est que la musique marche à chaque fois et la preuve. Ah, cette musique de John Williams, absolument formidable, absolument dantesque, absolument culte, je ne m'en lasserai jamais. Je pense que peu importe la bande-annonce, même de la plus pourrie des bandes-annonces de Star Wars avec cette musique-là, ça fonctionne direct et l'attente commence à arriver. En tout cas, on est maintenant dans le jeu vidéo. Alors le but ne sera pas de faire l'historique complet de Star Wars en jeu vidéo, le but est de se faire plaisir et de revenir vraiment sur les jeux qui nous ont marqué ou pas. On va aussi parler un petit peu des mauvais jeux de la licence, et il y en a eu quand même pas mal. Mais avant tout ça, un peu comme pour les films, je vais demander à mes comparses quel a été le premier jeu Star Wars qu'ils ont eu entre les mains. Alors, je vais commencer par David. David, quel est le premier jeu Star Wars que tu as pris entre les mains? Il me semblerait que ça vienne d'une console Sega. Ouais, ça vient d'une console Sega, et ça vient assez tard, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Mais je crois bien que c'était sur 32X, avec la version... Forcément. L'extension de l'extension. 32X, Mega CD, tout ce qui était marqué Sega finissait chez moi. Fallait un meuble. C'est ça. Et non, c'était la version, je crois, Star Wars Arcade sur 32X. Ouais, il est excellent en plus. Et c'était vraiment bon, quoi. Ouais, c'était... Alors, pour restituer un petit peu, quel type de jeu c'était ? Des combats spatiaux en 3D. Alors vraiment, tu sais, les tout premiers jeux en vieille 3D avec les gros polygones et tout. Mais c'était déjà... T'étais déjà dedans, c'était déjà énorme, quoi. On avait déjà la musique qui fonctionnait, donc au niveau ambiance, ça jouait beaucoup déjà. Ouais. Et j'ai l'impression que de toute façon, comme tu disais, c'est... Ça fonctionne, la musique. Ouais, c'est... voilà, dès que tu mets la musique, ça fonctionne un peu sur n'importe quoi, donc... En fait, juste pour donner une petite info, parce que bon, comme on parle d'un jeu Sega, je me permets. Ah, bien sûr, allez-y, alors, maître Sega. En fait, Star Wars Arcade sur 32X, donc, qui est sorti en 94, c'est en fait c'est un portage de la borne d'arcade qui était sorti en 93. Qui est pour moi l'un des meilleurs jeux d'arcade Star Wars qui existe. Ah carrément. Oui. Ouais, il était énorme. T'aimes pas le Podracer là ? J'aime bien, mais celui-là, il a un côté particulier. Ce Star Wars là, il est quand même énorme. Ouais, t'étais bien dedans. Hein. Ouais, et puis t'as quand même t'as différents niveaux avec où tu es dans un X-Wing, où tu fais la course sur l'étoile de la mort. C'est les deux niveaux, hein, c'est ça. Ah, il y en a avec deux, d'accord, ouais. Le mec, il brise le rêve de tout le monde. Ça pas marre. Ouais, mais par contre. C'était en 94 quand même. Ouais, mais c'est... Ah non, il y a le couloir, allez, on peut mettre trois. Il y avait la surface de l'étoile de la mort, puis après, le couloir. Mais c'était énorme. Moi, si je me souviens bien, il y avait une version avec un écran géant. Il y avait une version énorme. De toute façon, c'était une borne, de fête de fête foraine, quoi. C'était un truc immense, la vraie borne. T'avais le grand écran. Alors là, quand tu jouais là-dessus, c'était waouh. Alors en fait, plus que l'écran, parce que moi, c'est sur celle-là que j'ai découvert Star Wars en jeu vidéo. Plus que l'écran, c'était les baffles. Oui. Dans la version, dans cette version arcade, où effectivement, il y avait un grand écran, le manche à balai là, qui faisait très vaisseau, qui était très cool. Et il y avait deux baffles qui étaient dans tes oreilles, quoi. Derrière, avec la musique de Star Wars qui te niquait les tympans, les tirs de... Caractéristiques aussi. Du X-Wing, là, qu'on connaît tous, les bruits de vaisseau qui te foulent. Ouais, c'est ça. Alors, c'était de la 3D isométrique en fil de fer. Ok, mais alors, on oubliait ça en deux secondes. Ouais. C'était incroyable. T'avais pas le passage hyperespace aussi ouf, quoi. Je me souviens plus de ça. Je me rappelle plus, mais je crois que oui. Un peu comme quand dans Star Tour, là. Oui, peut-être dans Star Tour. Ouais, il me semble. Alors, ok, vu que Ron a déjà, donc du coup, il a aussi dit son premier contact avec un jeu Star Wars. Manji, toi, on est sur une console Nintendo, bizarrement, dis donc, ouais. Coquin. Et oui, parce qu'avant d'être un Sega fan, j'ai eu une NES. Voilà, personne n'est parfait, quoi. Ça arrive, hein. Bon, je l'ai pas mal vécu, hein, mais bon, c'est vrai que je me suis bien rattrapé depuis. Moi, c'était sur l'Empire Contre-Attaque. D'accord. Donc, un jeu de plateforme qui était sorti en 91. Bah c'est de la NES, hein, donc... Ouais, c'est une plateforme classique, effectivement. Bon, il y avait quand même la musique. La musique en sonorité 8 bits qui est quand même pas mal. Après, il y avait tous les codes qu'on peut retrouver de Star Wars avec l'usage de la force, le sabre laser. En plus, comme c'est l'Empire Contre-Attaque, on a le remake de la bataille de Hoth, donc qui était assez cocasse. Ça devait être assez particulier, je pense. Ah oui, à non. Pied, mais... du coup. Oui, c'était quand même pas mal. Non, voilà, c'est premier contact, on va dire. Bon, à cette époque-là, c'est vrai que hormis en arcade, sur console de salon, c'était pas la joie. Hein. On avait pas. C'est vraiment l'époque où les consoles de salon n'étaient pas du tout aussi. Elles pouvaient pas rivaliser avec les bornes d'arcade de luxe qu'on avait. Des trucs assez incroyables, surtout en 94. Hein. C'était la grande époque. Hein. Mon petit Manji. Hein. Il y a un mec que t'aimes bien qui faisait des grosses bornes d'arcade dans ces époques-là. Il y en avait un, ouais. Il n'y en avait pas qu'un, mais il y en avait surtout un petit japonais, ouais. Là. Petit japonais, ouais, qui fait des courses, des voitures, avec des pas voitures connu, rouges, pas connu. Ça. Elle est plutôt sympathique, ce bonhomme. Alors, à mon tour, moi, alors, bizarrement, j'ai aucun souvenir d'un jeu Star Wars, manipulé, par le petit moi. Avant, c'était Super Star Wars sur Super NES. Alors que je l'ai même pas acheté, on me l'avait prêté. Et alors il y a eu les trois, si je me trompe pas, sur Super NES. Il y a eu donc le Super Star Wars, donc l'Empire contre-attaque, et Super Star Wars, le Retour du Jedi. Et j'ai des très très bons souvenirs de ces jeux-là. C'était très beau. Par contre, c'était méga dur. Je me rappelle, on me l'avait prêté. J'ai jamais réussi à dépasser le passage en pod, là, l'espèce de voiture volante. Dans le jeu, quoi. Donc j'avançais dans le désert avec le mode 7, alors du coup ils voulaient mettre du mode 7 un peu partout, et j'étais dans le désert, j'allais à gauche, à droite, et j'ai jamais compris qu'il fallait récupérer des bidons pour avancer, je finissais toujours par tomber en panne et game over, donc du coup j'ai jamais réussi à aller bien bien loin, je veux dire, mais j'ai des très bons souvenirs de ce jeu là parce que j'étais jeune et parce qu'il y avait effectivement les musiques, il y avait les premiers niveaux avec le sabre laser, etc. Enfin, c'était assez cool, quoi. Donc je m'étais plutôt bien amusé avec ce jeu sur la Super Nintendo. Et d'ailleurs, pour compléter par rapport à ça, il y a que sur les consoles Nintendo qu'on a eu les premiers jeux Star Wars, en fait, hein, sur console de salon. Sur cette génération. Sur, ah oui, il n'y en a pas eu sur... T'avais pas sur... Mega Drive, tout ça. Sur les Sega, non, sur Master System et Sega. Le premier jeu Sega, c'était le Star Wars Arcade sur 32X. D'accord. Bah écoute, t'as de la chance, mon petit David. C'est peut-être pour ça que t'as pas joué avant, parce que tu jouais pas aux consoles, Nintendo. Donc... Effectivement. Voilà, bah tu connais la raison, toi, t'es pas venu pour rien. Voilà. c'était plutôt utile. Alors maintenant, on va partir sur ce qui fait pour nous un petit peu l'importance dans un jeu Star Wars. Qu'est-ce qui te semble pour toi, Ron, indispensable à un jeu Star Wars pour que le fan se sente pas trahi, pour qu'il soit content d'acheter un jeu Star Wars ? La musique. Ah bah ouais. Et limite, j'ai envie de dire, c'est le plus important. Je trouve que on en a un petit peu parlé tout à l'heure, la musique de Star Wars peut faire passer un jeu bien moyen pour quelque chose de très bien. Une pauvre scène d'action, un pauvre jeu de plateforme, d'un seul coup, quand il y a cette musique qui balance, là, tu sens le roi du pétrole. On en parlera tout à l'heure sur Battlefront, je pense. Donc, c'est peut-être une bonne illustration, effectivement. Alors, pour le reste, ce que je souhaite voir dans un jeu Star Wars, c'est un certain respect de la charte globale du jeu. En tout cas, quand elle avait un sens dans le cadre de la première trilogie, c'est un peu parti dans tous les sens après. Mais au moins qu'on respecte les repères qu'on a dans la série, les logiques politiques, qui sont les impériaux, enfin qui sont les gentils, qui sont les méchants, quoi. Qu'on retrouve les extraterrestres qu'on connaît. Voilà, il y a un monde très riche, il faut taper dedans. Mais bon, le numéro un pour moi, c'est la musique. Très bien. David, qu'est-ce que tu attends d'un jeu Star Wars quand tu allumes ta console ? La musique, évidemment, et j'irai même plus loin, c'est imaginer deux secondes un jeu Star Wars sans la musique de John Williams, quoi. C'est vrai que ça serait... Mais c'est pas la musique qui te rend épique même quand tu ouvres une porte. T'es là, t'ouvres ton frigo, t'as la musique de Star Wars, t'es... C'est juste incroyable ce que je fais. Quoi. Tu t'imagines dans l'univers Star Wars sans la musique qui va avec. Ouais. Non, c'est dur pas, maintenant de dire tiens... C'est pas possible, le jeu ne se vendrait même pas, quoi. Que d'un seul coup, les vaisseaux fassent pas de bruit dans l'espace parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Ouais, voilà, par exemple. On veut pas de réalisme, on veut des bruits. C'est juste impossible. Donc la musique... les bruitages des lasers, des sabres et tout. Ouais, c'est indispensable. Donc vraiment, l'ambiance sonore, ça semble être quand même le parti le plus important d'un jeu Star Wars. Manji, si pour toi, pareil, tout ce qui est en habillage sonore, c'est capital. C'est vraiment la chose indispensable. C'est clair, quand t'entends les blasters qui fusent dans les oreilles, c'est juste énorme. Moi, je dirais déjà, il faut que ce soit un bon jeu. Avant que ce soit un bon jeu Star Wars, il faut que ce soit un bon jeu. Ah, mais t'en demandes beaucoup aussi. Ah, bah oui. Non. Bon, après, c'est vrai qu'il y en a certains. Bon, on en parlera plus tard, mais je voudrais pas griller le conducteur. Mais il y en a certains que le fait qu'il y ait la licence Star Wars, on laisse passer beaucoup de choses. S'il y avait quelque chose que je devrais rajouter, c'était notamment l'aspect technologique. Je trouve que pour moi, Star Wars, il doit apporter quelque chose de technologie en plus. Alors, ça s'est pas trop vu, on va dire, hein, sur certains jeux. Mais pour moi, par exemple, tu vois, tu me parlais tout à l'heure du Super Star Wars sur Super NES. Mm-hmm. De mémoire, il avait utilisé le mode 7. Donc absolument. Ça, c'est t'as des passages qui, la technologie que tu retrouvais pas sur d'autres, enfin, On parlait de la borne aussi, machines. La borne, sur la borne, en pareil. La gueule, voilà, ça, sur PC, obligé. Quand tu avais des jeux comme Rebel Assault, ou le 1 ou le 2, où tu avais de l'incrustation vidéo, voilà, ah, c'est oui. Des choses technologiques qui sont apparues, je ne vais pas dire avec ces jeux-là, parce que bon, ça existait sur d'autres jeux, mais disons que ça a été repris dans voilà, parce que c'était le summum technologique à l'époque. Donc voilà, pour moi, Star Wars, ça représente ça aussi. Ça doit être aussi non seulement être en termes d'univers entre guillemets cohérent, crédible et respecter la charte du film, mais surtout ça doit être pour toi quelque chose de vraiment impressionnant. Tu veux, bah, c'est vrai que quand on regarde un film Star Wars, ce que t'attends c'est d'être immergé dans l'univers et que ça t'en mette plein la gueule. C'est vrai que si tu tombes sur un truc tout cheap et un petit peu mal branlé, ça peut un petit peu casser le rêve. Je crois que quelqu'un voulait intervenir, mais je l'ai coupé. Non, mais c'était pour rebondir sur ce que disait Monji. C'est effectivement, oui. Je pense que ça doit aussi, les jeux Star Wars se doivent d'apporter un petit plus technologique et comme l'ont fait les films à l'époque. Quoi. On attend un certain niveau que malheureusement peu de jeux ont apporté. C'est du moins moi ce que j'attends dans un jeu Star Wars. Quoi. En plus, ce qu'on verra quand même dans le conducteur au fur et à mesure, c'est que je crois que les premiers jeux Star Wars n'étaient pas faits sous licence LucasArts. D'ailleurs, c'était pas LucasArts qui s'occupait je crois que d'ailleurs, une des premières bornes, un des premiers jeux, c'était peut-être même Atari. Atari qui s'était occupé des premières bornes qui étaient arrivées dans les salles. Donc, ils ont récupéré la licence Star Wars beaucoup plus tard. D'ailleurs, je crois dans les années 90, pareil, hein, sous contrôle d'huissier. Peut-être que j'ai des grosses conneries quand même tombées dessus, mais je pense, je commence à transpirer du front, je commence à avoir une lumière sur mon front. Non, je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est à peu près dans ces périodes-là. En tout cas, voilà, c'est arrivé beaucoup plus tard et ils ont commencé à exploiter d'ailleurs beaucoup plus la licence sous l'ère LucasArts, c'est à partir un petit peu dans tous les sens. Et c'est là où les fans ont commencé un petit peu à regretter. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur nos attentes sur un jeu Star Wars ? Très bien. On ne peut rien rajouter. Ne rajoutez rien, vous avez raison. C'est déjà largement suffisant. Le silence en dit beaucoup plus. Alors on a vu un petit peu ce qui est important dans un jeu, mais moi j'avais une question qui est importante et que j'aime bien me poser quand on a un jeu à licence et justement quand c'est beaucoup exploité. On va peut-être voir un petit peu autre chose. Mais est-ce qu'un jeu Star Wars a le droit de prendre des libertés dans l'univers, Rhône? Est-ce que on peut te raconter carrément autre chose et t'inventer d'autres choses dans un jeu Star Wars? Ouais, moi là-dessus j'ai un point de vue qui va peut-être être un peu tranché, mais pour moi c'est indispensable que ça prenne des libertés avec l'univers. Déjà pour pas raconter à nouveau la parce même qu'on voit chose, un peu souvent les mêmes scènes obligatoires dans les jeux Star Wars. Hein. Oui, mais on peut faire des choses avec ça. Déjà, prendre des libertés, alors si c'est par rapport à la prélogie, c'est même indispensable si on veut faire quelque chose de digeste. Bon, après ça, moi j'ai une certaine habitude de... J'en parlais un peu dans la rubrique Grognon, j'étais maître de jeu du jeu de rôle Star Wars. Et c'est vrai que rapidement, au début, quand on joue au jeu de rôle autour d'une table, on fait des parties qui singent un peu les films, on refait ces scènes-là, puis rapidement on invente des choses. Et on utilise un univers qui est incroyablement riche pour le faire aller dans des tas de directions. Et ça fonctionne, quand un univers est cohérent, ça fonctionne. Une de mes plus grosses déceptions, ça avait été l'annulation d'un jeu Star Wars qui ressemblait à moitié à un FPS survival. C'était comment ça ? J'ai pas retrouvé le titre. C'est récent ? Sur la génération précédente de machines. C'est pas le 1900 le Star Wars qui était une espèce de cover shooter là, qui était annulé. Non, c'était sur Next Gen qui était annoncé. Celui-là ? Non, on était quand même sur la génération précédente et... Ça sentait bon, le film, le jeu un petit peu flippant, quoi. Donc dans une ambiance assez anxiogène, assez éloignée de ce qu'on a l'habitude dans Star Wars. Mais pour moi, ça marchait à fond, parce que ça reprenait dans le même temps des visuels Star Wars, des sonorités Star Wars. J'avais vraiment envie de voir ça, quoi. Donc j'ai envie de dire, donc, des libertés, pour moi, il faut indispensable. Vraiment. Sinon, je regarde. On en parlera tout à l'heure, un de tes jeux préférés, d'ailleurs, de la saga Star Wars en jeu vidéo, c'est justement KOTOR, et là-dessus, au niveau liberté, ils sont allés assez loin, ils ont vraiment profité de l'univers. David, est-ce que tu acceptes qu'on fasse un peu tout et n'importe quoi avec la saga ? Au niveau du scénario, ouais, carrément, un peu comme Ron. Écoute, je crois que moi, j'ai des très bons souvenirs du pouvoir de la force sur la Xbox 360. Mm-hmm. C'était pour moi... Mais j'ai pas joué sur PC, donc je ne peux parler que des jeux consoles. D'accord. Mais le pouvoir de la force, c'était... le bon jeu Star Wars de ces dernières années. Il était cool. Sur console. J'avoue, il était cool. C'était pas mal. Et ça prenait carrément des libertés. C'était carrément une autre histoire. C'était l'époque où tous les héros étaient chauves et sans charisme aussi. Ouais, c'est vrai. Où il fallait que le mec soit, voilà, soit chauve. Et... Mais rien que le fait de pouvoir enfin saisir les mecs, les faire voler, les balancer, ça c'était absolument jouissif. Donc ça, en même temps, ça respectait les codes de la trilogie, de l'univers. C'était beau, en plus. Ouais. C'était beau, ça avait tout ce qu'il fallait. Et, mais en même temps, ça, le jeu a pris des libertés sur le scénario, sur l'histoire. C'était... Ouais, non, c'était très bien. Et le pouvoir de la Force 2 était un DLC camouflé, faut quand même le savoir aussi, qui coûtait méga cher. C'était un peu une honte, le pouvoir de la Force 2. Ouais, c'était un peu dommage. Bah, tu coûtes très bien, Manji. Même question, allez. Bah, moi, bizarrement, bah, je suis pas trop d'accord. Ah, bah voilà, ouais. Une bonne nouvelle. Je suis pas trop d'accord, parce que, enfin, ça, c'est que mon avis, on va dire, hein, mais j'ai beaucoup plus de mal à rentrer dans un jeu Star Wars qui est vraiment... totalement indépendant des histoires, que ce soit de l'épisode 1 à l'épisode 6. Par exemple, le pouvoir de la Force, c'est un très bon jeu, il n'y a pas de souci. Hein, bon, les codes sont respectés, comme tu disais, David, mais moi, j'ai pas réussi à rentrer dedans, quoi. Ce jeu, je l'ai fait, je suis allé jusqu'au bout, mais limite, je me forçais à la fin parce que, je sais pas, j'arrivais pas à m'identifier là-dedans. Alors que je vais plus facilement revenir sur, bah, sur des vieux jeux qui seront plus, comment dire, plus proches de l'univers. Je te prends un exemple, par exemple Dark Forces, là, le FPS, le Doom-like sur PC, ouais. Qui est assez vieux, hein, qui date de 95, il me semble, qui est une histoire annexe, mais pour moi, j'ai beaucoup moins de mal à rentrer dedans. Alors, est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est parce que tu es dans le cadre des vieux, ou je sais pas. Ouais, voilà, on est plus dans le cadre pour moi que par exemple le pouvoir de la Force. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que là j'attendais beaucoup de choses. On verra par la suite, mais de Battlefront, parce qu'on reprend des batailles épiques. Les batailles épiques, l'univers, et vraiment, exactement. Tu arrives mieux à rentrer dans quelque chose que tu. Exactement. Un peu comme des pantoufles, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un peu ta Madeleine de Proust quand tu joues à un jeu Star Wars. Tu veux te retrouver dans les films. C'est ça. C'est ça. Tu veux pas te retrouver ailleurs. C'est ça. Tu veux jouer en pantoufles. C'est ça, si j'ai envie. Je fais ce que je veux, monsieur. Je joue en pantoufles si j'ai envie. Tu vois, par exemple. Oh. Là, même avec la musique de John Williams, quand tu joues en pantoufles, hein, c'est pas facile. je suis épique en pantoufles, moi, monsieur. Tu vois, vas-y, par exemple, Ron qui aime Knights of the Old Republic. Alors, celui-là, je l'ai pas fait. Mais pour moi, je préfère aller sur un Mass Effect qui est vraiment un univers totalement différent, qui est de la SF, mais qui est totalement différent. Parce que je sais que je vais avoir du mal à rentrer dans le jeu, quoi. Voilà. Écoute, c'est un point de vue plutôt intéressant. Moi, j'ai une question, messieurs. Alors, c'est une question qui va rassembler non seulement les films, mais en plus les jeux. Pourquoi, alors que, par exemple, KOTOR. Alors, je vais prendre l'exemple clair de KOTOR. Mais il y a un truc qui me tracasse dans KOTOR. Dans mon top 10. Hein, non, mais c'est pas par rapport aux qualités. Hein, c'est juste par rapport à l'univers. Attention. Dans KOTOR, ça se passe combien de milliers d'années avant. Avant la trilogie, si vous savez à peu près. C'est des plusieurs milliers, quand même. Attends, je sais plus, c'est un tel bordel. Mais pourquoi les technologies n'évoluent pas? Pourquoi dans tous les trucs Star Wars, ça se passe des milliers, des milliards? Il y a sûrement un fan, alors j'espère qu'il y a un fan qui pourra m'expliquer. Voir ça régresse. Ouais, ou voir même, voilà, ça régresse. C'est-à-dire qu'on va se retrouver vraiment dans une époque hyper reculée. Par contre, on a toujours les mêmes sabres laser, on a toujours les mêmes véhicules, on a toujours les mêmes trucs, et les mêmes boissons, les mêmes fringues. Enfin bref, c'est toujours la même chose, mais ça... Ils ont des télés de merde, hein. Télés... Elles sont bien mieux les nôtres. Hein. Ils ont des télés de merde. C'est 3500 ans avant les événements. Voilà, donc je me dis, merde, nous déjà en 100 ans, on fait une putain d'évolution. Et alors ouais. Peut-être qu'eux, ils étaient déjà tellement évolués qu'il n'y a plus grand-chose qui avance, mais ça m'a toujours marqué quand on voyait des histoires qui se passaient plusieurs milliers d'années avant l'ère justement de George Lucas, et il n'y a rien qui... C'est toujours pareil, en fait, quoi. Donc, c'était ma petite question, voilà, je trouvais ça un petit peu louche. Non, mais c'est peut-être un peu de l'anticipation, quoi. Nous, on va encore évoluer pendant quelques temps, et puis voilà, c'est ça notre futur. On aura un Samsung avec un écran de 12 mètres carrés, ça va être génial. Ouais. Notre téléphone va faire taille d'une maison, ça va être cool. Ok, très bien, donc j'aurai peut-être ma réponse dans les commentaires. Est-ce que vous posez la même question existentielle que moi? N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook. Je ne comprends pas le no évolution de Star Wars malgré 3 millions d'années d'évolution. .com. Très bien. On va passer à la suite de l'émission et on va rentrer un petit peu plus dans le détail des jeux. C'est là où je vais vraiment beaucoup vous écouter parce que je suis un peu moins adepte, même si j'en ai fait quelques-uns dans ma vie de joueur, des jeux Star Wars, notamment justement les pouvoirs de la Force. Donc vous reconnaîtrez mon côté un peu plus bourrin. Moi, je suis un gros bourrin au niveau de Star Wars, mais tout ce qui est simulation qui sont, paraît-il, exceptionnelles sur PC, j'ai pas beaucoup fait. Donc, je pense que Manji va nous en parler un tout petit peu. Donc on va revenir un petit peu sur nos bons jeux Star Wars, voilà, avant de passer un petit peu au caca et revenir sur les jeux qui puent. Quelles ont été vos meilleures expériences de jeux Star Wars? David, s'il te plaît, dis-moi ce que tu apprécies le plus. Écoute, ce que j'apprécie le plus, c'est les combats dans l'espace, clairement. D'accord, ouais. Après, j'ai pas fait énormément de jeux. Je suis un peu dans la même situation que toi. J'ai pas fait énormément de jeux Star Wars. Oh merde. Eh ouais. Par contre, faut quand même que je te laisse parler 15 minutes. Comment on va faire? Il n'y a pas un jeu qui te revient, justement, même si c'est hors simu, je crois que peut-être GameCube à l'époque, le fabuleux, j'ai plus le nom en tête, Rogue Squadron. Rogue Squadron, ouais. C'est assez fabuleux. J'ai failli acheter la GameCube rien que pour ce jeu. Ah, mais je l'ai fait. Mais je ne l'ai pas fait. Et tu ne l'as pas fait. Donc, donne-moi un jeu, merde. Non, mon dernier jeu, ma dernière bonne expérience, c'est Le Pouvoir de la Force. D'accord. Voilà, depuis, moi, j'ai rien eu d'autre. Hein. Le Pouvoir de la Force qui date de 2008, donc ça commence à dater, hein, mine de rien. Ouais. Donc entre-temps, il y en a pas mal qui sont sortis sur PC, mais étant un joueur purement console, il y a pas tant de choses que ça qui t'ont marqué chez Star Wars. Maître Sega. La parole est à vous, la parole est à la défense de Star Wars. Je sais qu'il y a énormément de choses que toi tu aimes en jeu Star Wars. Ouais. Je te laisse la parole, donne-moi un petit peu. Alors, si je devais vraiment te demander le jeu Star Wars que tu retiens, le jeu qui pour toi est exceptionnel. Difficile d'en choisir qu'un seul. Hein. Alors, juste pour remettre dans le contexte, c'est vrai que j'ai eu une période après Nintendo, je suis passé directement au PC avant de passer chez Sega. Donc, et là, PC. Où j'ai joué beaucoup aux jeux LucasArts. Ah, c'était la fête, hein. Les années 90, c'était magnifique sur PC, les jeux Star Wars. Oui, pas que Star Wars, hein. LucasArts, comme je disais, les jeux d'aventure, tout ça. Absolument. Et Star Wars, j'ai commencé avec X-Wing, donc simulation de combats spatiaux en 3D. C'était le rêve, quoi. Franchement, avec l'amiral Akbar qui parle dès l'introduction, c'était la claque, hein. Les boucliers à gérer, c'était pénible. Ah, ouais, exact. Mais c'est vrai qu'en plus, quand tu regardes ces jeux PC en 93, on avait déjà les voix digitalisées quand tu avais la chance d'avoir la carte son dans le PC, que tu n'avais pas encore spécialement sur console, hormis peut-être sur Mortal Kombat. Mais alors, c'était la comparaison qui fait flipper. C'était quand même assez sommaire. Donc il y avait ça, bon, tout l'univers Star Wars qui était vraiment bien représenté. Je pense que si je devais t'en choisir qu'un, ça serait X-Wing et puis après tous les autres qui en ont découlé, puisque après on a eu des extensions X-Wing, TIE Fighter. Ouais, c'était du Capcom, hein, c'est comme Street Fighter, hein, y en a une rivière. Disons qu'avant le X-Wing versus TIE Fighter, t'as quand même eu Imperial Pursuit, après t'as eu B-Wing, où tu pouvais piloter le B-Wing. Après, t'as eu TIE Fighter, donc juste pour la petite anecdote, ça va vous faire marrer, mais j'étais pré-ado, on va dire, à cette époque-là. J'avais écrit une lettre à LucasArts. La classe. Ouais, pour leur dire que j'appréciais leur taf et tout. Et ils m'avaient renvoyé la démo de TIE Fighter en deux disquettes, quoi. Ah, c'était trop la classe. Ah, mais j'ai gardé le truc pendant longtemps, là, je sais plus où elles sont, quoi. J'ai déménagé plein de fois. Mais franchement, j'étais trop content à l'époque. Et à l'époque, on n'avait pas encore les démos qui étaient distribuées dans les magazines. Donc, on n'avait pas Internet, bien entendu. Ah, c'est la classe. On peut dire bravo, Lucas. Voilà. Franchement. Ils ont été. Ouais, joli geste. Bravo. C'était une autre époque, on va dire. Ouais. Ah oui, c'était pas pareil. Et moi, j'ai une petite question pour toi, Manji. Est-ce que tu avais essayé, c'était pas un DLC, c'était Chicken Wing qui était sorti aussi, je crois. Chicken Wing? Bon, ok, d'accord. J'ai pas voulu relever parce que c'est tellement. On était sur une belle anecdote et lui il arrive avec ses morceaux de poulet dégueulasses là. Non. Vas-y, continue, te laisse pas perturber par Chewbacca. Vas-y, Manji, continue. Non, après il y avait bien entendu, comme j'étais sur PC, les catégories des FPS avec Dark Forces, j'en parlais tout à l'heure. Dark Forces, voilà, c'était à l'époque où on avait le Doom-like avec la skin Star Wars. Ah, c'était vraiment exceptionnel. C'était super cool à jouer, moi je l'ai fait à l'époque, j'avais pas un gros PC, j'allais jouer chez un ami, c'est vrai que ce jeu-là était quand même méga cool, quoi. Il y a eu ça, c'est beaucoup plus tard, les Jedi Knight. Bah, Jedi Knight, c'est la suite en fait, hein. Dark Forces en 95, et après Jedi Knight, donc le premier, qui s'appelle, en fait, qui est sous-titré Dark Forces 2, qui est sorti en 98. D'accord, magnifique. J'avais joué un peu au-delà, c'est que j'avais beaucoup aimé. Bah, Dark Forces, c'est vraiment tu l'assimiles à Doom, hein. C'est vraiment C'est pour ça que moi très rudimentaire au niveau du gameplay. Déjà, bon, comparé au FPS de maintenant, c'est vraiment rudimentaire, hein, avec la souris qui te sert qu'à regarder à gauche à droite, hein. Tu peux pas lever la tête, tu peux pas, voilà, c'est. Waouh, c'est vrai ça. T'as que joué à Doom, tu peux pas baisser la tête non plus. Bizarre, clairement, c'est bizarre. Et Jedi Knight, de mémoire, le premier qui était en 98, ça commençait à arriver. Donc, on pouvait le faire. Il était déjà entièrement en 3D, Dark Forces. Non, hein. Le gun n'était pas en 3D, je crois. C'était le 3D, hein, ouais. Mais le gun, était en 2D, je sais plus. Enfin, c'était une connerie que je raconte encore une fois. Ne me frappez pas, c'est que la deuxième émission, je connais rien aux jeux vidéo, moi. Je suis juste animateur, hein. Je suis comme sur Game One, hein. Je connais rien du tout aux jeux vidéo, je suis animateur. Mais je me demande si Dark Forces, tu parles de la version PC, mais je me demande s'il n'est pas sorti sur PlayStation. PS1, il était. Ouais, sur PS1. Oui. Mais j'étais en train de me dire que j'avais joué à un jeu. J'ai pour habitude de ne pas parler des consoles de Sony, donc okay, c'est vrai qu'il est allergique. J'ai allergique, j'ai des boutons. C'est qu'il est bien avec vous, les gars. Non, et puis Dark Force sur PS1, ça devait piquer les yeux. Moi, j'avais joué sur PC aussi. Je sais pas si la PS1 était capable de faire ça. Bah, la résolution, c'était pas du tout la même. Hein. Je sais plus ce que c'était comme résolution. Pas les détails, mais on reconnaît ceux qui ont joué, ils portent des lunettes. c'est vrai. Et puis pour finir, si je peux en rajouter un dernier, en stratégie temps réel, vraiment un genre qui est propre au PC. Moi, j'avais adoré le Galactic Battlegrounds, qui était en fait un skin Star Wars de Age of Empires. C'est vrai qu'il y a moyen, mais c'est typiquement le genre de saga aussi où tu peux t'amuser à faire ça, des jeux stratégiques, clairement, quoi. Bon, après, il était sorti aux alentours de l'épisode 1. Donc, le fameux. Donc, t'avais une campagne supplémentaire, la campagne des clones, quoi. Donc, bon, c'est un peu, on va dire, la tâche, on va dire, dans le jeu. Mais sinon, ouais, c'était vraiment ça utilisait le même moteur qu'Age of Kings, hein, donc. Exactement le même style de jeu, mais avec juste les troupes, l'univers, Star Wars, la musique. Ah, ça, j'y ai joué pas mal en réseau. Ah, je me rappelle d'un jeu qui était... Désolé, moi j'interviens comme ça, parce que j'ai un souvenir qui revient d'un jeu formidable sur PC. On pouvait défoncer la gueule de Jar Jar. Je pense qu'on l'a tous fait sur navigateur. On défonçait la gueule de Jar Jar et c'était juste incroyable. Rhône. Alors, mon petit Rhône, parle-moi de tes jeux favoris, tes jeux préférés dans l'univers de Georges. Il y en avait quelques-uns qui étaient sur PC, mais je les ai bien laissés à Manji, donc c'était parfait, je ne vais pas revenir dessus. Le fameux Chicken Wings, ouais, c'est ça. Ouais, c'est celui-là. Non, bon, moi, mon number one, c'est quand même KOTOR, Knights of the Old Republic. Alors, le premier de BioWare et le deuxième de Obsidian si je ne me trompe pas. C'était des jeux assez laids d'ailleurs. Bah pour pour l'époque, c'était pas si laid que ça. C'était grand. Il y avait quand même pas mal de bugs d'affichage, pas mal. Enfin, c'était pas la première du jeu. Et à la limite, on s'en foutait un peu. Ce qui était formidable, c'est que le scénario était juste génial. Il utilisait à fond les principes de côté obscur de la force. Dans les choix, dans les comportements qu'on avait, ça fonctionnait très bien. Et quand on jouait à KOTOR, c'est un petit peu le mode d'emploi qu'aurait dû avoir Lucas pour savoir quoi faire avec sa nouvelle trilogie. T'avais d'un côté les films, des films interdits aux plus de 9 ans, et d'un autre côté un jeu complexe avec tous les ingrédients qu'on attend de Star Wars, de l'aventure, des batailles, etc. Mais aussi quelque chose d'un petit peu plus fouillé, ça va un petit peu plus loin, c'est intelligent. Moi j'ai trouvé ça juste passionnant. Les deux. Ouais, entre le 1 et le 2, il y avait des choses que tu préférais, des choses qui ont été rajoutées dans le 2 ou... Alors dans le 1, il y a plus d'humour, il y a des trucs super. Il y a une espèce d'androïde HK-47 qui est mythique, qui a des répliques formidables. Il parle des humains comme des sacs à viande. C'est un droïde assassin. Alors évidemment, quand on joue un mec plutôt méchant, ben on le prend dans sa bande, celui-là, quoi. Le 2 était techniquement faible, quand même, vraiment faible. Mais était, il y avait tellement de bonnes idées de scénario que c'est pas grave. C'est un peu la touche Obsidian, d'ailleurs. C'est toujours des jeux qui sont techniquement, qui ont des fois un petit peu de mal, mais bourrés d'idées, généralement. Et bon, du coup, voilà, pour moi, c'est des jeux qui sont géniaux, qui sont l'exemple même de ce qu'aurait dû être Star Wars si ça avait été dans une direction un peu intelligente. Je vais en citer deux autres. Le Star Wars Racer en arcade ou sur la version Dreamcast. Mais oui Dreamcast. Ouais. Version Dreamcast, hein, la Nintendo ouais, la version 64, Dreamcast, qui était vendue avec, c'était bien c'était flou, en dessous. Quoi. Hein, pareil, on reconnaît ceux qui ont joué, ils portent des lunettes. Donc le Dreamcast, elle était absolument super, mais rien que le jeu, je me suis dit finalement l'épisode 1, il a eu raison d'exister, ne serait-ce que ça. Ça a donné un vrai. Je pense clairement qu'il avait quasiment été tourné le moment où t'arrives dans l'espèce de salle où tu vois les courses de pod et tout, tu te dis c'est une pub pour un jeu vidéo quoi, la course de pod. Tout le monde. J'ai c'est deux clair. Scènes dont je me rappelle du film, c'est la course de pod et le combat à la fin avec Darth Maul. Alors ce jeu, donc, il est hyper speed, il est super maniable, il est joli. Il y a les musiques de John Williams, on en a assez parlé comme ça, mais c'est vrai que du coup, quand tu te prends, il y a un circuit où il y a une espèce, je crois que ça monte assez haut et dans un virage continu, et tu prends ça à 850 à l'heure, t'as la musique derrière qui te fait tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Oh là là, tu te prends pour un super héros. Tu fais super bien le John Williams, franchement, c'est incroyable. Très bien, hein. Et j'ai découvert le jeu en arcade un petit peu plus tard, de Star Wars Racer, et la borne, elle est juste démentielle. Il y a du vent qui t'arrive dans la tronche. Et voilà, j'ai mis quelques pièces. C'est pas une dedans. De tes particularités, c'est d'avoir des bornes où il y a du vent. Ouais. Chaque fois que je t'entends parler d'une borne, il y a du vent. Outrun, par exemple. Montrer que t'as des. En fait, ça se trouve, il n'y a pas de vent, c'est peut-être que je bouge vite la tête. C'est ton pote qui te souffle dessus, j'en sais rien. Pour ceux qui veulent y rejouer là, au Star Wars Racer sur Dreamcast. Juste pour info, il est compatible VGA Box, donc aujourd'hui ça passe nickel sur les écrans LCD. Et c'est bon. D'ailleurs, la Dreamcast passe super bien sur les écrans LCD. Hein. Ça aussi, il faut le savoir. Je trouve que c'est une des rares consoles ancienne génération qui passe très très bien. Pour dire sur la VGA. Ouais, surtout en VGA, exactement. Il y avait aussi une rumeur de câble d'HDMI, mais là, je commence à raconter n'importe quoi. Il m'en reste un. Ouais, moi, je suis étonné que Ron nous parle pas de Kinect Star Wars, quand même. Ah, attends, c'est juste. Ah, mais je l'ai pas aimé, je le gardais pour. Je voulais juste terminer sur la borne, donc on pouvait, je sais pas si tu l'avais dit aussi, donc on était vraiment comme le pilote. Dans le film, donc le jeune Anakin, le petit blond qui après fait la même taille que l'autre, et alors qu'on. Enfin bref, on va pas parler d'incohérence des films. Pour aller sur la borne. J'avais une perruque, j'étais là. J'étais déguisé en enfant, c'était génial. Et donc on manipulait, vous êtes cons, on manipulait les. Donc pour diriger, c'est comme le mec dans le pod, donc on manipulait de gauche à droite, enfin de bas vers le haut pour tourner dans le circuit, c'était quand même assez classe au niveau immersion, c'était fabuleux, effectivement, la borne. Vas-y, Ron, continue. Il m'en reste un dont je vais un peu parler parce que pour moi c'est la meilleure adaptation littérale de la première trilogie. C'est Lego Star Wars. Et c'est, Alors évidemment, c'est une adaptation drôle, hein. Il y a des vannes tout le temps, mais il se trouve que c'est hyper fidèle au film. Ça reprend avec beaucoup de justesse toutes les meilleures scènes des films et je veux dire, si on regarde juste le jeu, ça va, on peut suivre le film, hein. Et bon voilà, comme quoi on peut faire des bonnes adaptations sans vouloir coller trop à la culotte du matériau de base, ben Lego Star Wars, ils ont très bien réussi le coup. Quoi. Allez, on quitte les bons jeux, allez, on quitte les bons jeux, on passe du côté obscur de la force du jeu vidéo. Alors qui veut commencer par son, parce qu'il y a le choix quand même. Alors, je vais commencer, je pense que tout le monde va réagir, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu, je crois qu'on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est la série des Rebelles Assault, c'est mon plaisir coupable. Rebelles Assault, moi j'avais fait le 2 quand j'étais jeune, j'avais un PC avec un lecteur CD, donc j'ai joué à Rebelles Assault avec les voix, avec les cinématiques et tout, et j'ai adoré quand j'étais jeune, c'était injouable quand on pilotait le Faucon Millennium, j'arrêtais pas de me cracher parce que j'allais dans tous les sens, mais je me rappelle des vidéos, je me rappelle de la visée qui était hyper raide, etc. Mais voilà, moi, c'est vraiment mon petit plaisir. Et la pixelisation des vidéos. Ah, c'était... Bah oui, ça, c'était dégueulasse. Mais bon, à l'époque, c'était fou, quoi. C'est à l'époque... On pensait vraiment que c'était le futur. Vas-y, Manji, tu as kiffé aussi. Parle-nous un petit peu. Franchement, c'est... C'est vrai que quand tu y rejoues aujourd'hui, c'est pas tant... moi, c'est pas l'aspect graphique qui me rebute. C'est vraiment la jouabilité, quoi. C'est une plaie. Le pilotage était vraiment immonde. Oh mon dieu. En plus, c'était, enfin, je veux dire, comme c'était à l'époque, enfin, les joysticks, enfin, où les manettes n'étaient pas reconnues comme maintenant. Ouais. Donc, il faut savoir que c'était des joysticks, surtout qu'on avait un à cette époque sur PC. Donc, il fallait le calibrer avant de jouer. Enfin, c'était une plaie, quoi. C'était vraiment une plaie. Bah, et d'ailleurs, je me demande, voilà, si c'était la souris, c'était pas le plus agréable pour jouer à ce jeu, quoi. Si on peut parler d'agréable. Bah, moi, mon Faucon Millénaire, il faisait des ronds. Il allait de gauche à droite, de haut en bas, et il comprenait absolument rien. Je pense qu'ils gerbaient tous dedans. La gerbe. C'est la poubelle de l'espace. C'est juste, enfin, ça que j'ai un souvenir assez ému de ce jeu. Mais je l'ai jamais rejoué depuis l'époque, et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Vous m'avez gardé ces bons souvenirs sur ce type de jeu-là. Je l'ai remis récemment. Parfait, ouais, le pauvre. T'étais fou, toi. Toi, t'es un grand malade. Rhône, un jeu dégueulasse, vas-y. Alors j'en ai même deux. J'en avoir un parce que j'en ai évité pas mal, donc j'en ai pas fait tant que ça des dégueulasses. Donc j'en ai un dont David a un tout petit peu parlé qui aurait pu être bien, mais finalement s'est révélé pas terrible. C'est le Star Wars Kinect. Je m'étais plutôt pas mal amusé dessus à sa sortie, mais à l'usage évidemment c'est un jeu qui souffrait énormément des limites du périphérique. Lesquels? mais cela étant, je dois dire que je signerais des deux mains pour qu'ils refassent un Star Wars Kinect avec le Kinect 2. Attends, là, ils pourraient faire un truc. Tu lancerais les mecs dans les airs. Le Kinect de la One, il est quand même beaucoup plus fiable que celui-là. Non, je t'ai raison. Vu que personne ne l'a et vu que personne ne l'aime, je pense que personne va faire de jeu. Voilà, donc en fait, ça n'arrivera jamais, mais je trouve ça assez dommage. Je trouve que le principe pouvait être fun si ça avait été efficace. Et j'en ai un deuxième et qui va nous permettre. Attends. Est-ce que tu as dansé? Est-ce que tu as fait la chorégraphie, Ron? Ouais, je crois que je l'ai fait. Ouais, mais je pense que j'ai. Est-ce que tu as kiffé la chorégraphie, Ron? Non, peut-être pas vraiment, non. Parce que les fans, quand ils ont vu ça, que tu pouvais faire danser des Stormtroopers, ils ont pleuré quand même. Bah en fait, ce qui est d'une mauvaise foi totale, hein, parce que être de pleurer de quoi que ce soit sur un jeu comme ça, alors qu'il y avait les derniers films qui étaient sortis, enfin, au bout d'un moment, tu pleures plus, quoi. Except, j'ai regardé Star Wars 1, l'épisode 1, donc du coup, je peux voir n'importe quoi. Voilà. C'est bon, tu peux tout prendre après, hein, y a pas de problème. Parce que les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais tu kiffes Kinect. Tu kiffes ta race, Kinect. Bon alors, je vais profiter du coup d'appuyer cette réputation qui est faite. Je kiffe Kinect. J'y passe pas mes journées, quoi. J'aime assez, ouais, utiliser, enfin, jouer la motion capture. Tu aimais jouer, parce que. Bah maintenant, parce je que maintenant que Kinect 2 est sorti, il n'y a plus de jeu. C'est vrai. C'est ça. J'ai passé des heures sur Kinect Sport avec mes gamins, je me suis vraiment éclaté, voilà, j'ai pas honte de m'amuser, hein, donc j'ai pas de complexe avec ça. Tu as raison. Bon, voilà, j'assume. C'est bien, continue. J'ai encore un deuxième jeu Star Wars là, qui m'avait bien saoulé. C'était sur Xbox, ça devait être un Battlefront, le deuxième, oui, je crois. Oui, effectivement, il y avait... Le premier m'avait amusé peut-être deux bonnes heures, mais le deuxième, je crois que le deuxième, je l'avais acheté et il m'avait consterné tellement il était nul. C'est des espèces de maps en zone. Le principe du jeu, c'est un peu des batailles bordéliques, mais pour le coup, ça l'était tellement qu'on comprenait vraiment rien à ce qu'on faisait. Celui-ci, je crois que j'avais eu la présence d'esprit de le revendre très très très très vite, ce qui fait que j'ai fait une moins-value. Pratiquement inexistante. Voilà, c'était mon dernier souvenir de Battlefront Star Wars. D'accord, il n'y a rien d'autre de plus. Donc, tu as vraiment échappé à pas mal de trucs. Ouais, mais je les évitais, tu les sens venir. Il y a des trucs qui ne vont pas. Moi, je me rappelle du jeu La Menace Fantôme sur PS1. Alors, pareil, on était vraiment dans le feu. Putain, mais on a exactement sorti, les Ah, oh, il était chiant ce jeu, oh, putain, vu ouais, du dessus, en 3D. Enfin, la PS1, c'est en plus, ça vieillit vachement. Mal la PS1, je trouve. Les jeux, des fois que je refais, que je kiffais quand j'étais plus jeune, ça pique quand même énormément les yeux. Ça a quand même pris un sacré coup de vieux. C'est que La Menace Fantôme, déjà à l'époque, c'était chiant comme la pluie. Il semblerait que Manji soit d'accord avec moi. Moi, c'était sur PC que je l'avais fait, mais. Sur PC, ouais. Et je pense qu'il doit avoir le traumatisme du film. Je pense que... c'était chiant. Oh, c'est une catastrophe. Parce que ça te calque. Du coup, c'est une bonne adaptation. du coup, ça calque le film, chiant, donc. Est-ce que t'as d'autres jeux, toi, Manji, des jeux vraiment pas bons que t'as fait dans l'univers Star Wars? Non, comme ça... Pareil, t'es passé au travers. Non, après, je les ai tous un peu testés. Mais non, j'ai pas vraiment de. Hormis ceux dont on a parlé, là, notamment celui-là, La Menace Fantôme, que j'ai vraiment. Voilà, j'ai vraiment eu du mal. Rebelle Assault, j'ai même aimé, donc tu vois, enfin, c'est un plaisir coupable. Après, même les Rogue Squadron, bien entendu, j'ai adoré. Rogue Squadron, Rebel Strike aussi sur GameCube. C'était D'accord. vraiment des super bons jeux, quoi. Il n'y a que KOTOR voilà, qui manque, que j'ai pas fait. Donc, il faudra que je lui donne sa chance, un de ces quatre. Oh, c'est plutôt bon signe, dites-moi, si on n'a pas tant de mauvais souvenirs que ça, quand même, sur la saga Star Wars. D'ailleurs, en bon souvenir, si je peux faire juste un petit bond en arrière. Fais-toi plaisir. J'ai testé, donc pour préparer le podcast, j'avais testé la borne Star Wars, donc Atari de 83. Ah, et nice. J'ai trouvé ça. Bon, je l'ai testé en émulation, hein, mais ouais. J'ai trouvé ça vraiment excellent pour l'année, quoi, 83. Enfin, il faut remettre dans le contexte de ce qui se faisait à l'époque. On est vraiment, enfin, sur, c'est de la 3D fil de fer, hein, donc, mais vraiment du basique de chez basique. Mais on distingue bien les TIE Fighters, voilà, avec les tirs, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment bluffant pour l'époque. Alors, je viens de me rendre compte d'une chose, on l'a vraiment survolé vite fait, mais c'est quand même honteux si on n'en parle pas, de Rogue Squadron, enfin la version GameCube, c'est quand même dommage de ne pas en parler du tout. Ouais, rien que pour la scène d'intro qui avait bluffé tout le monde, même si après, il y avait des gens qui sont pas allés beaucoup plus loin, parce que le jeu était quand même assez hardos aussi. C'était vraiment là killer app de la GameCube, il est sorti en même temps que la console, et je pense que je parle un peu au nom de tous les fans de Star Wars. Quand tu jouais, et encore maintenant, honnêtement, tu lances ce jeu-là, à la scène d'ouverture sur l'étoile de la mort, elle est absolument fabuleuse, c'est une mission qui est incroyable, là pareil la musique elle te met à fond dedans tout de suite, mais en plus en termes de gameplay c'était quand même assez cool, donc c'était un shooter, c'est la suite je crois où on avait des phases à pied qui étaient un peu loupées, mais donc c'est un shooter, donc du coup on a plein de véhicules différents de la saga Star Wars, et moi j'avais acheté la GameCube exprès pour ça, et j'avais bien kiffé quoi, c'était vraiment un jeu incroyable, et si vous avez l'occasion d'y jouer, si vous avez une GameCube qui traîne et que vous trouvez ce jeu là, franchement foncez, parce que si vous êtes fan de Star Wars, vous allez vivre un moment incroyable. Qui a joué ici à ce jeu-là? Je pense que tout le monde a déjà touché au moins une fois, hein, quand même. Ouais. Oh, David. Mais je l'ai dit tout à l'heure. En plus, il a joué, ça. C'est le jeu qui allait me faire acheter la GameCube, et puis je ne l'ai T'aurais pu jouer chez un pote, quand même. Mince. Ouais, mais non, même pas. D'ailleurs, il devait. Il faisait grave envie. Hein. Oui, c'était. Ouais. Tu faisais des démos techniques. Tu mettais le jeu comme ça pour vendre de la GameCube. Ça partait tout de suite, quoi, clairement. Dans les magasins, t'avais souvent, enfin moi c'était le cas, j'ai vu ça dans plusieurs, t'avais l'écran avec la GameCube et ce jeu, et à côté t'avais la Xbox avec Halo. T'avais les deux, c'était l'époque, ils étaient sortis. D'ailleurs, LucasArts avait prévu de. C'était sympa comme époque. Hein. LucasArts avait prévu de les ressortir sur Xbox, notamment. C'est vrai? Ouais, parce qu'il y en a eu trois, il y a eu celui de la N64, et puis après il y a eu les deux autres de la GameCube. Ouais. Et c'était planifié sur Xbox, donc les trois. Ils devaient faire une compile. Et ça a été. Déjà à l'époque, ils avaient pensé à faire des compiles. Mais bon, ils étaient un peu dans la merde financièrement, donc ça avait été annulé. D'accord, bah écoute, anecdote plutôt sympathique. Au niveau caca, je vais quand même rajouter des trucs que j'avais vu traîner, notamment les jeux Clone Wars. Moi, j'ai pas des super bons souvenirs de ces jeux-là. Et aussi un jeu qui s'appelait Obi-Wan, qui avait une jaquette absolument dégueulasse. Une jaquette toute verte, comme ça, avec l'ombre d'Obi-Wan derrière. C'était un jeu à la troisième personne qui était, de mémoire, était pas fameux. Et il y avait aussi un autre jeu que j'avais fait sur GameCube, sur Boba Fett, qui était un TPS, qui était assez moche et qui était pas. C'était vraiment l'époque où LucasArts commençait vraiment à faire un peu n'importe quoi avec la licence. Et ça commençait à sentir un petit peu mauvais avant qu'ils commencent à faire justement les pouvoirs de la force et de fermer, tout simplement, juste après. ils se sont dit, on arrête là, on va arrêter ces conneries. Ils ont été dissous complètement par Disney au rachat. Et donc, du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, quelques licences s'en vont à gauche-droite pour pouvoir faire des bons jeux avec des licences qui est un petit peu disparu, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Y a une question que je me pose, qu'on est quand même dans l'univers de LucasArts, de Star Wars, ils auraient pu faire quand même un point and click dans l'univers Star Wars. C'est fou qu'ils aient pas pensé à faire un truc comme ça. Ah ça c'est dingue qu'ils n'y aient pas pensé quand même. Surtout LucasArts, ils avaient de quoi faire. Il y a eu du indie, il y a eu plein de licences qui ont été créées par LucasArts. C'est ça qu'il n'y a pas de jeu d'aventure dans l'univers de Star Wars, c'est quand même assez fou. Ils ont dû penser que c'était pas la même cible entre les fans de Star Wars et les fans d'indie. Ouais, par exemple. Ouais, c'est vrai que ça n'a rien ouais, à voir. Ils font des enquêtes enfin, régulièrement, t'as des moments où... Oh, tu m'étonnes, c'est absolument absurde. Après, il y a quand même dans les jeux LucasArts, il y a quand même pas mal de petits easter eggs sur Star Wars, notamment Monkey Island. Si vous m'écoutez et que vous voulez faire un jeu d'aventure dans l'univers de Star Wars, alors j'ai pas les droits. Hein. Écoute, peut-être que Ron Gilbert nous écoute. Ça serait tellement génial. Mais ouais, mais lui n'aura pas les droits non plus. Hein. Je pense pas qu'il ait les moyens d'aller chez Disney pour dire je veux faire un jeu Star Wars. Là, maintenant, ça va coûter très cher. Hein. Ouais, je pense. Ah, j'ai entendu David, justement, David. Il y a un jeu, tu m'as dit, écoute, là, il est en train de me parler vite fait là sur le chat, et il me disait, Mathieu, j'ai oublié un jeu, puisque je m'appelle Mathieu, je peux te dire. Je veux parler de... Angry Birds Star Wars, merde. Non mais il n'y a pas grand chose à dire sur Angry Birds Star vas-y, Wars. Vas-y, parle c'est Angry Birds avec l'univers Star Wars. Et, c'est... et alors quoi, il y a des attaques spéciales? Tu peux nous en parler un petit peu? Non, parce que si tu veux, j'ai dû tester pendant 1 minute 50. Est-ce que c'était 1 minute 50 de bonheur ou pas? C'était 1 minute 50 de Angry Birds, donc... Très bien, donc tu étais aux toilettes. Voilà, c'est ça. Voilà. ou alors dans une salle d'attente ou un truc comme ça. Incroyable anecdote de David Kenobi, merci David Kenobi. Alors on va conclure tout doucement cette première partie, mais non, et non, et là je m'enflamme. Non, c'est un gros reste coup, un quand même. Morceau, puisque on n'a pas parlé de Battlefront. Un tout petit morceau en plus. Je suis là, je m'emballe et je dis c'est bon, on a fini les jeux un peu caca, mais il en reste un qui sort un peu mauvais quand même. non, je suis méchant parce qu'en plus j'ai passé quelques petits moments sympas sur la bêta, mais il y a des petits trucs qui sont apparus il y a peu. Ils se sont dit on a fini la bêta, on va vous donner 2-3 petites infos qui schlinguent, comme ça vous serez bien au taquet pour nous défoncer. Donc on va parler un petit peu de Star Wars Battlefront et on va se mettre un petit extrait. Alors, Star Wars Battlefront, la bêta s'est terminée aujourd'hui, le jour où nous enregistrons ce podcast. Nous y avons tous joué, alors plus ou moins longtemps, et donc nous allons vous donner notre avis, notre petite preview et nos petites craintes quand même qui s'amènent avec la sortie de ce jeu qu'on attendait énormément depuis les premières vidéos avec DICE à l'E3. Alors je vais commencer par David, peut-être le plus doux, je pense, parce qu'on a discuté un petit peu et on a passé un moment plutôt agréable tous les deux, hein, à tirer sur les gens et à piloter des vaisseaux. Donc voilà, dis-nous ce que tu penses de cette bêta. Moi je suis carrément ravi par la bêta. D'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte, je déteste les bêtas. Les bêtas des jeux, je n'aime pas ça du tout. J'en ai essayé quelques-unes qui m'ont vraiment pas plu, du coup j'avais décidé de complètement arrêter. Et je me suis laissé convaincre par celle de Battlefront, et j'ai été carrément agréablement surpris. Ah. Ouais, vraiment. Alors je sais que beaucoup de gens ont râlé par rapport au rapport de force, à l'équilibrage et tout ça. Franchement, j'ai pas l'impression que c'est que ça soit vraiment le vrai problème. J'ai l'impression que les gens ont mis du temps à comprendre comment se déroulaient les parties. Parce qu'à la fin de la bêta, alors ils ont fait des mises à jour aussi, évidemment. C'est aussi un peu le but d'une bêta. Absolument, oui. Ce que j'allais dire, au niveau équilibrage, tout ça, c'est le but d'une bêta, effectivement. Ouais. Quand tu as 9 millions de personnes qui jouent, tu peux pas avoir les mêmes résultats que quand tu testes en interne avec même s'ils ont testé avec une cinquantaine de personnes, c'est bien joli. Mais tu sais, quand tu es nul que moi, tu cherches des excuses aussi. Hein, quand tu perds, il faut bien trouver l'équilibrage est une très bonne excuse dans une bêta. Mais que tu sois dans un camp ou dans un autre, tu avais toutes tes chances de réussir à partir du moment où les gens jouaient le jeu des objectifs, ce qui était le but de la carte, quoi. Mmh. Enfin, je parle de la carte sur HOT et les graphismes sont vraiment bons. J'ai passé autant d'heures sur PS4 que sur Xbox One. D'accord, on va parler un petit peu des points de comparaison après. On est un peu vénère donc. Très agréablement surpris et ils m'ont complètement convaincu. Moi, j'achète le jeu, je le précommande, je prends tout. Ok, toi t'es emballé, complètement emballé. Carrément emballé, le gameplay est simple. Ok. Tu allumes la console, t'es dans une partie en moins de 2 minutes. C'est vrai que c'est rapide. T'as 36 000 possibilités, t'as tes 3 atouts à mettre, c'est assez simple et ça va très vite. Et voilà, c'est beau, il y a la musique, t'es dedans, t'as les véhicules. Qui sont aussi beaucoup plus simples que ce qu'on a connu. Alors justement, ils ont bien fait la distinction entre les Battlefield, aussi réalisés par DICE. Ah, celui où on devait avoir un brevet de pilote pour décoller. Ouais, exactement. là, du coup, c'est plus du tout le cas. Alors peut-être que certains vont le regretter. Mais et puis on est déjà en l'air en plus. Ouais, en tout cas, c'est pas mon cas. Je trouve que c'est vraiment agréable. Donc vraiment convaincu à tous les niveaux, quoi. Donc nous avons une personne ravie d'avoir joué à la bêta de Battlefront, donc Star Wars Battlefront. Alors d'ailleurs, notre camarade qui est content a mis un point en avant qui me semble important. Donc il y a des objectifs à accomplir sur ces maps, donc il faut travailler en équipe. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour travailler en équipe, messieurs? Il faut parler. Il faut se dire, écoute camarade, attaque ce point, va par là-bas, moi je suis là, attention ils arrivent. Mais comment on fait quand il n'y a pas de chat, Rhône? Comment on fait quand on annonce à tout le monde qu'il n'y aura pas de chat pendant les parties d'un Star Wars Battlefront? Moi, j'ai bien une petite idée, moi. Hein, c'est on annule sa précommande et puis on dit Star Wars Battlefront, ça va, quoi. Battlefion. Ouais, c'est ça, Battlefion. C'est, voilà, moi, je fais partie des déçus. Hein. J'étais emballé et puis je ne le suis plus. Au moins, la bêta aura servi à quelque chose. Quelle est la chose qui t'a fait basculer complètement? Alors j'avais essayé à l'E3 le jeu, hein. J'avais quelques petites réserves. J'avais essayé deux modes de jeu, j'avais trouvé sur HOT, je m'étais beaucoup amusé, beaucoup moins sur l'autre carte dans les rochers. Là en y rejouant un peu plus, alors sur Xbox c'était un peu le bordel pour rejoindre les parties, mais j'en veux pas trop à ça, c'est une bêta. Donc, moi j'ai eu aucun problème, je tiens quand même à le signaler, aucun souci. Ouais, et puis c'est une bêta, donc oui, t'as raison, un clairement. Petit peu de ça. Franchement c'est pas ça qui... Mais en jouant un peu plus longtemps, ben je vois un jeu. Alors David parlait d'un jeu qui était simple. Moi, j'irais jusqu'à simpliste. J'ai un peu eu l'impression de jouer sur la carte cargaison de Call of Duty il y a quelques années. Alors moi, j'ai joué. Voilà, on cavale dans tous les sens en tirant un petit peu au hasard. Pour... Des fois, ça attends, marche. Attends, je vais te défendre un petit peu. Vas-y, c'est bien. Interviens. Attends, je t'ai pas. Ah, non, mais attends, j'ai pas fini. Si je vais laisser la parole à la défense, qu'il n'y aura pas. Beaucoup d'occasions de dire deux choses. Et tac. Non, vas-y David, vas-y, dis-nous, réagis. Vendu le mec, non mais ah, je laisse réagir, vas-y. Tu parles de la carte où il faut capturer les potes qui tombent. Non, je parle des deux. Tu mets la carte sur HOT au même niveau que cargaison dans la Modern Warfare. Faut dire que c'est non dans un autre style parce que dans HOT il y a tellement rien sur la carte. Mais si justement il y a les objectifs quoi et en plus le gameplay avance au fur et à mesure. Il y a rien sur la carte, faut arrêter de déconner. En plus je la trouve assez jolie fondamentalement, mais c'est une carte où il y a. Et les petits cristaux de neige qui brillent, c'est sympa je trouve. Oui voilà c'est ça, non mais c'est joli, et c'est charmant. C'est sur une planète déserte de glace quoi. Hein. Voilà, c'est ça, sur une planète déserte, c'est un peu une map ou c'est une planète. Mais non, mauvais. Donc, attention, alors, c'était le point mauvaise foi de Rouen. Ouais, non, je pousse un peu loin, mais pas tellement. Moi, j'ai trouvé quelque chose. En fait, en très peu de temps, je me suis déjà ennuyé. Et ce que je recherchais dans ce Star Wars Battlefront, l'aspect bataille épique, il y a énormément de monde sur la carte, il y a tout un bordel dans tous les sens, et ben je ne l'ai pas trouvé. Finalement, je l'avais plus dans le premier Battlefront que j'avais sur la première Xbox, où il y avait des bots qui donnaient un côté trépidant à ce qui se passait à l'écran, que là où on se retrouve à pouvoir mourir très très vite, à respawner sans arrêt. Le rythme m'a pas plu, je me suis ennuyé quoi. Bon, les aspects techniques, on en parlera plus tard, mais rien que sur le jeu, je me suis ennuyé en très peu de temps. Peut-être que ça vient du fait aussi que j'ai pu jouer au nouveau mode de jeu de Halo 5 qui me semble tellement supérieur. D'accord. Que comparativement, ce Star Wars Battlefront, j'ai trouvé que c'était comme un peu un apéro. Alors Maître Sega, on a parlé. Alors je vais juste raconter un petit peu la préparation un peu du podcast. Donc Manji me dit tiens ça serait cool, il y a Battlefront qui arrive, il y a le film qui arrive, on pouvait faire. Enfin, si vous pouviez faire un podcast sur Star Wars, ça peut être cool. Je dis bah écoute ouais viens avec nous le faire, on va jouer ensemble à la bêta. Il était chou patate Manji, il était waouh génial, on va jouer à la bêta, ça va être super. Et là le vendredi il m'envoie un message, il me fait wow. C'est quand même pas c'est génial. De la merde. C'est quand même un peu de la merde. Je dis bah quoi, moi je vais y jouer un petit peu. Et donc raconte-nous un petit peu ton expérience, Manji, sur Battlefront. Bah écoute, ouais, moi j'étais super chaud patate en fait. Hein. Ça fait un moment que je l'attends. En fait, j'ai le syndrome de ce que je veux pas avoir avec le film en fait, avec ce jeu. C'est d'accord. Que j'ai regardé toutes les bandes annonces et tout. J'étais voilà chaud bouillant avec mes potes. On était on est des super fans de Star Wars, donc c'est vrai qu'on l'attendait énormément. Donc quand la bêta elle est sortie, on s'est rué dessus. On a même fait la manip pour aller sur le store australien pour la récupérer. Donc c'est pour te dire à quel point on avait envie d'y jouer rapidement. C'était chaud les gars. moi j'ai deux points de vue qui sont assez différents. D'un côté où j'ai pris beaucoup de plaisir sur les modes mission. Qui ressemble à un mode horde de Gears en fait. Hein. J'ai trouvé ça très sympa. Alors après, ma crainte par rapport à ce mode, c'est que dans le jeu de base, il risque peut-être de pas y avoir beaucoup de maps, hein, puisque c'est distribué par EA, hein, donc faut pas se leurrer. Ça va aller dans le season pass et dans les DLC. À combien coûte le season pass déjà? 50 boules hein, quand même. 50€. Po, dans ton cul, camarade gamer, ton jeu à 160$. Putain, les salauds, quoi. Mais fais un free. Halo 5, c'est quoi déjà? C'est pas 18. Mais fais un free to play, quoi. Fais un free to play au lieu de te foutre de notre gueule. Faut pas. Sérieux. Ah, c'est ça. Pas abusé, quoi. 50€ le season pass. Allez, vas-y, mange. Mange tranquillou. Vas-y, Manji, continue. J'avais oublié le prix. Je voulais le répéter à tout le monde. Donc ouais, le mode mission, ça m'avait c'était une bonne mise en bouche. Donc quand j'avais commencé par là, j'ai dit bon, c'est cool, ça voilà, c'est exactement ce que je veux. On a tout, enfin on a du l'univers Star Wars à gogo, enfin voilà, c'est vraiment top. Après je commence à tester Drop Zone là, donc c'était déjà un peu plus chaotique parce que bon, les mecs, c'était la chasse aux frags, la chasse aux noobs, on va dire, hein, donc la chasse aux poulets. Et comme, bon, avec moi dans le rôle du poulet, hein, donc bon, c'est vrai que c'était kill sur kill, donc c'est bon, j'ai pas vu le jour sur Drop Zone. J'ai l'impression que vous avez des points communs avec Ron quand même. Et après, j'ai dit, allez, soyons fous, allons faire de la bataille sur Hoth, là. Et puis, alors là, c'est là où j'ai pas vu le jour, quoi. Je suis arrivé du côté rebelle. Les mecs en face, bon, plus j'avais pris la partie en cours de route, ils avaient déjà les AT-AT, donc, à chaque fois que je respawnais, je me prenais une prune de je ne sais où, je savais pas d'où ça venait. Et au bout d'un moment, j'ai dit, allez, c'est bon, je quitte, je rejouerai plus tard, quoi. Et puis, j'ai rejoué un peu à tête reposée, c'était le lendemain. Là, j'avais fait sur la version PC, parce que j'étais sur la version Xbox One au départ. Sur PC ça a été un petit peu mieux parce que bon, le combo clavier souris pour un FPS est de suite un peu plus sympathique, même si en face les mecs ils se débrouillent toujours mieux que moi, donc bon, c'est vrai que c'était un peu délicat. Mais même constat, beaucoup de plaisir sur le mode mission, sur Drop Zone un peu plus, mais vraiment pas du tout sur la bataille de Hoth, alors que c'est là où je voulais prendre le plus mon pied, quoi. Voilà. Il y a quelque chose juste que je comprends pas, c'est que on est quand même à l'année de sortie de l'épisode 7, et puis on confie le jeu Star Wars à DICE, qui sont quand même pas des manchots. Hein, ils ont quand même bien prouvé qu'ils savaient faire des bons jeux. Et puis on nous sort un jeu Star Wars uniquement multijoueur, sans mode solo, sans rien. C'est vraiment le truc du pauvre, quoi. Ah, il semblerait, de ce que j'ai, le peu que j'ai compris, justement, parce qu'il y a pas mal de personnes qui se demandaient pourquoi il n'y avait pas des indices de l'épisode 7 dans ce nouveau Star Wars. C'est que je crois qu'Electronic Arts n'a pas forcément les droits pour le nouveau. C'est Disney qui verrouille complètement le système et qui veut justement qu'il y ait le moins de comment dire de fuite au niveau de l'épisode là. Donc on ne sait pas si quelqu'un travaille dessus. Je pense qu'il y aura un jeu Star Wars. Ça me paraît un peu improbable qu'il n'y ait pas de jeu Star Wars 7. Si c'est une merde comme la menace fantôme, qui se la garde. Hein, il y aura une belle merde, une belle petite merde à la Tony Hawk 5 qui va débarquer peut-être un coup. Non, mais je crois que c'est pour ça. Ça, c'est mon regret. Pardon ? Parce que c'est un peu un regret, parce que forcément, à l'époque de l'épisode 1, quand ils te sortent Menace Fantôme et après ils te sortent de Pod Racer, c'est pas du tout le même style de jeu. Que là, il y avait moyen de faire quelque chose, je pense, super sympa, avec du solo, du multi, et t'en aurais eu pour un peu plus pour ton argent quand même. Parce que là, 70 boules, si tu le payes à prix fort. Trouves que 140 euros, t'en as pas pour ton argent dans Battlefront. Tu trouves qu'ils sont un peu chiches? Ouais, j'ai l'impression. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement, comme on a la chance sur Xbox One d'avoir l'EA Access, je vais attendre qu'il soit dans le coffre de l'EA Access pour y jouer. Et puis voilà, quoi. Comme ça, au moins, ça sera un peu des rondes économisées pour Halo 5, pour des vrais jeux Xbox. Voilà. Vas-y, Ron, tu voulais dire. Oh non, moi j'ai plus rien à ajouter là-dessus, hein. J'attends qu'on parle de la partie technique. je crois que ce que j'avais à dire, je l'ai dit. De toute façon, je suis hyper déçu. Je suis vraiment comme Manji, parce que j'étais bien chaud pour jouer à ce jeu-là. Peut-être que vous aviez trop d'attentes alors. C'est possible, mais je les ai pas mis à un niveau si. Je crois que c'est légitime, parce que quand on a eu la première vidéo quand même. Attends, c'est quand même un film où on s'en est tapé 12 minutes pendant la presse de Sony 2-3. T'as du test derrière, ils ont quand même mis la grosse artillerie au niveau communication, donc c'est vraiment un gros jeu de fin d'année. Et c'est vrai que moi je vais donner un petit peu mon avis. Moi j'ai un peu comme Menji, j'ai eu plusieurs sensations de jeu, et bizarrement je m'amuse parce que justement c'est simple, et moi en tant que temps de jeu je me retrouve un petit peu. Alors c'est un peu comme Titanfall. Alors je préfère largement Titanfall, je vais être honnête. Ouais, et je trouve qu'il y a un côté instantané où je peux m'amuser tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas. Je trouve que les jeux FPS multijoueurs sont trop sérieux. J'ai un peu l'impression que c'est un peu la course à l'e-sport et qu'il faut faire des trucs de dingue. Ça doit être vachement technique. Et du coup, il y a vraiment pas mal de jeux où je prends pas de plaisir. Si je joue à Battlefield, j'ai plus de plaisir. Moi, Battlefield 4, j'ai pas le temps de me mettre dedans et j'arrive, je me fais sniper la gueule, et c'est vraiment devenu un jeu vraiment de pro de dingue. J'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Il y a un côté arcade dans Battlefront que j'apprécie. Et c'est là où c'est étonnant, parce que ça devrait pas être le cas. Ça devrait être un jeu qui est beaucoup, beaucoup plus ample, beaucoup plus épique, comme le dit justement Ron. Et la carte, la petite carte, j'ai plus le nom, la carte avec les cailloux, tout ça, là, c'est quand même un petit peu. Alors, même s'il y a des petits raccourcis, des machins comme ça, assez cool, et qu'il y a quelques éléments de décor sympas, c'est un peu petit, c'est un peu chiche, et t'as du mal à te dire, c'est la guerre, c'est un peu effectivement un skin de FPS classique avec du Star Wars. Et c'est vrai qu'autant Hot, j'arrive quand même à m'amuser. Par contre, là, des fois, je trouve que vous êtes un petit peu méchant sur 2-3 petits points. Donc, c'est vrai que le côté tactique, quand j'ai joué avec David, j'essayais de faire des trucs un peu différents, d'aller récupérer des points, d'essayer de m'expliquer un petit peu le fonctionnement de certains systèmes. Donc, j'ai réussi à m'amuser parce qu'il y avait plus de choses qui se passaient. Des fois, tu te prenais un crash de X-Wing sur la gueule, il t'atterrissait dessus, t'avais le truc qui te marchait dessus, t'as les interventions des protagonistes des films comme Luke ou Dark Vador qui commencent à arriver d'un seul coup, t'as la musique qui s'enclenche. Donc, il y a des moments où j'étais pris dans le truc, et des moments où, effectivement, quand tu meurs, tu réapparais super loin, et puis c'est chiant de revenir, et puis tu déverrouilles pas tout, tu te fais sniper de loin. Donc, je trouve que le jeu est un peu bâtard dans ce que j'ai vu. Alors, j'ai pas envie de le défoncer tout de suite au niveau du jeu. J'ai plus envie de le défoncer sur tout ce qui entoure le jeu, c'est-à-dire vraiment le season pass beaucoup trop cher, le chat qui va être verrouillé. Enfin, voilà, ça me semble un petit peu improbable. Donc, j'ai eu des bonnes sessions de jeu. J'ai eu des choses un petit peu plus chiantes, un petit peu plus molles et trop petites, je trouve, pour un Star Wars, justement. Moi, je veux la guerre, je veux des avions partout, je veux des lasers qui me sifflent à côté des oreilles. Donc, je suis un peu partagé, et même si j'ai pris un peu de plaisir, je trouve que ce jeu-là a perdu un petit peu le jeu de fin d'année. L'impression que j'avais du jeu qui va faire mal, qui va tabasser, où t'as absolument envie de jouer, quoi. C'est le genre de jeu, tu vas mettre l'intro sur une grosse télé, ça va être impressionnant, et dès que tu vas commencer à jouer, dès qu'il n'y a pas la musique, c'est un peu moumou, quand même. Si la musique s'enclenche pas, c'est là que tu vois que la musique est super importante dans Star Wars. Donc, voilà. Alors, maintenant que j'ai donné mon avis, je vais laisser parler le grand méchant. Et il a un peu raison. Pourquoi, sur ce jeu-là, on est en 720p sur Xbox One Run? Ouais, bah alors là, moi, je trouve que... Bah, parce qu'on se fout de notre gueule. je crois que dans l'absolu, il ne faut pas tellement aller plus loin. Si encore on était sur une machine qui avait jamais démontré qu'elle pouvait faire mieux, mais enfin là faut pas déconner, on est quand même sur un jeu où ce qui est à l'écran, alors c'est très propre, esthétiquement c'est plutôt... Est-ce que les cristaux de neige c'est dur à faire apparaître en 900? Non mais voilà, je veux dire, on est quand même sur Hot, on est sur une grande map, mais où il y a rien, t'as pas de bâtiment, t'as pas... ça pue pas le polygone hein, sur la map hein. Sur les autres, comme tu l'as évoqué, on est sur des cartes beaucoup plus petites. Ça va, elle fatigue pas trop la console. Hein. Elle va y arriver. Mais hein. T'as le syndrome en fait de cette génération où tout est axé pour la PlayStation 4. Hein. C'est ça, tout ça. Ah, les mots sont lâchés, attention. Non, mais oui. Là, à un moment donné, s'ils n'ont pas envie, mais qu'ils le sortent pas, le jeu, quoi. Et qu'ils en fassent une exclue, c'est très bien, ça fera payer Sony, enfin, tout le monde sera content, mais c'est une raison de plus, parce que là, je trouve qu'on se fout de notre gueule. Moi, je l'ai essayé sur PS4 aussi. Alors, fondamentalement, en vérité, il n'y a pas beaucoup de différence. Ça se joue au niveau de l'aliasing sur l'écran, mais on peut pas dire que j'ai eu des sensations différentes sur l'une ou sur l'autre. Mais j'ai presque envie de dire que c'est une question de principe. Les mecs, si vous n'êtes pas foutus de faire mieux sur un jeu aussi peu exigeant techniquement, enfin, soit vous êtes des branques, soit vous vous foutez de nous, quoi. C'est l'un ou l'autre. Et que ce soit dans un cas ou dans l'autre, je ne vais pas leur donner mon argent. David, quand on a discuté un petit peu sur la partie la dernière fois, t'avais vu un petit peu plus de différence, soit sur la version PlayStation 4, en plus du côté aliasé, où c'était pas forcément si marquant que ça. C'est pas si marquant que ça. Bon, tu le vois. Hein. Enfin, Ouais, on la voit quand même. Ouais. Ça, tu peux pas le nier. Tu lances la console, tu vois effectivement qu'il y a un peu plus d'aliasing sur une version que sur l'autre. Forcément, entre 720p et 920p, il y a quand même pas mal de pixels de moins. Mm-hmm. Ils ont fait un énorme travail sur l'upscaling justement de la Xbox One pour que le rendu soit quand même correct. Il est loin d'être dégueulasse. Parce que moi, pareil, j'ai fait que Xbox One et j'ai pas trouvé ça dégueu. L'upscale de la Xbox One, on sait qu'il est performant, ouais. C'est pas d'hier. Ouais. Ces discussions de 900p, etc., on sait bien que c'est de la connerie, que ce qui est important, c'est le rendu à l'écran. Si l'upscale, il est efficace, il n'y a pas de souci. Mais bon, en 2015, ça fait chier. Mais voilà, c'est ça. Là, faut quand même pas exagérer. Mmh. Manji, un petit avis sur la question technique? Moi, au niveau technique, non, pas grand chose. Oui, ça recoupe ce que disent les collègues, hein, mais c'est vrai que ouais, c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Quand on voit Halo sera 1080p. C'est ça, mais tu vois Forza, avec juste des maps qui sont juste beaucoup plus grandes et puis avec autre chose sur les maps en contenu. Donc, je veux dire, c'est pas comme si la console galérait pour faire ça, quoi. Elle a pas de D'accord, soucis. Donc ça vous semble pas du tout justifié qu'il y ait une différence sur ce jeu-là. D'accord, très bien. Non, mais on voit bien. Après, il n'y a pas 40 joueurs sur Halo 5 non plus. Ah, bah si, en Warzone, hein, tu peux y aller. Enfin, t'as 24 joueurs, hein. Et t'as des bots dans tous les sens, et t'as des bâtiments dans tous les sens, et ça tourne comme une horloge. Ça, je regrette aussi, comme Creepers disait par rapport à Titanfall. Moi, ce que j'apprécie dans Titanfall, c'est que t'as toujours une masse de bots. Donc, je veux dire, si tu te fais poutrer par les mecs d'en face, ouais, tu peux toujours te faire un peu dégueuler. Donc, voilà la satisfaction de te faire. Non, mais c'est con, mais au moins, voilà, t'es moins frustré. Et si tu veux faire des frags, joue contre moi. Hein. Y a pas de souci. Je peux te faire ce plaisir-là et ça me dérange pas du tout. Ouais. Après, si je peux vous donner deux petites astuces pour Battlefront qui ont été un peu plus, enfin, carrément confirmées par un des développeurs du jeu. Ouais. Alors la première, c'est de jouer en vue à la troisième personne parce que t'as un beaucoup plus grand champ de vision sur ce qui se passe autour de toi. Et la deuxième, c'est d'éviter, comme on a l'habitude de le faire dans les FPS, justement, d'utiliser le viseur avec la gâchette gauche. Ça te fait perdre du temps. Et à moins que tu utilises le snipe pour viser vraiment très loin, il apporte quasiment aucune plus-value en termes de vise. C'est le jeu fini à la pisse, quoi. C'est génial. Ouais, c'est... Alors, si j'ai un conseil, tout ce qu'on a mis sur la manette, l'utilisez pas, hein, ça sert à rien. C'est ça. Tu reviens la borne d'arcade avec le stick et les deux boutons, quoi. Non, c'est pas ça. C'est vraiment pour la visée à longue distance, quoi. D'accord. Et puis éviter de jouer avec des goliots aussi qui cherchent la chasse aux frags, quoi. Enfin, ça, c'est. Mais bon, il y en a marre des goliots. Ouais, franchement, à mon avis, si vous vous plaignez d'être pris pour des pigeons sur Star Wars Battlefront, il vaut mieux pas aller sur Halo 5. Ah non, mais j'y vais pas sur Halo 5. Je sais que j'ai pas le niveau. Halo 5, ça sera que du solo. Donc, tu te fais dégommer en deux secondes. Ah non, mais je. T'as des fous furieux sur Halo 5. Je le sais bien. Non, sur Halo, il y a beaucoup de monde et il y a plein de gens médiocres. C'est ça l'avantage. C'est pas le souvenir que j'ai des derniers épisodes. Ah, clairement, moi j'ai abandonné à cause de ça. Moi qui suis pas un bon joueur, j'arrive à m'en sortir à peu près. Non, mais Halo, c'est déjà une campagne solo de malade. Oui, déjà, voilà. C'est autre chose. Mais c'est autre chose de toute façon. Enfin, je veux dire, nous ne parlerons pas d'Halo aujourd'hui. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Je vais juste conclure. On va faire le taux de hype. Qu'est-ce qui vous reste en taux de hype pour Battlefront Rhône? Qu'est-ce qui te reste? Oh putain, j'ai froid. J'en suis arrivé. Et tu t'en fous maintenant. Voilà. Carrément. D'accord. Manji. Ben moi, je vais être un petit peu moins méchant. Je vais attendre d'avoir mes 10 heures de démo dans l'EA Access là. D'accord. Pour me faire une vraie idée du jeu complet. Mais bon, je pense qu'il passera la trappe quand même. Hein. J'attendrai, comme je disais, qu'il soit dans le coffre EA Access pour y jouer, quoi. D'accord, tu auras d'autres priorités en attendant de. Bah oui, bah, c'est pas comme si on n'avait pas de jeux qui sortaient, pas d'exclus. Ça, c'est vrai. Sur Xbox One. Effectivement, c'est un peu une année de folie. Et on ne dit pas ça parce qu'on travaille avec Xboxygen, même si on est obligé par contrat de le faire. pour les mauvaises langues qui vont dire qu'on est payé par Microsoft, alors que, bah oui, c'est vrai. Non, mais. Alors qu'on est très mal payé. Mais il y a tellement déjà de podcasts et de sites qui parlent de PlayStation et de Nintendo, donc c'est bon. Ouais, c'est vrai. David, taux de hype, tu en es où? Moi, je suis le vilain petit canard, alors, parce que moi... Ah non, mais c'est bien, t'as défendu ton steak. Ouais, donc, je l'attends carrément. Après, justement, je vais me faire encore plus l'avocat du diable, parce que tu sembles... Ouais, c'est vrai qu'il y a de quoi être choqué a priori par le prix qu'ils annoncent. Après, on ne connaît pas non plus le contenu. Je veux dire, si le jeu coûte 50€, que le Season Pass coûte 50€, mais que dans le Season Pass, tu as autant de contenu que dans le jeu, finalement, tu peux t'y retrouver, tu vois. Je sais pas si tu vois Ou alors, je suis prêt à engager ouais, les paris. Ça me dépasse que, tu vois, même là, on a annoncé un Season Pass pour Just Cause 3. Honnêtement, Just Cause 3, c'est un bac à sable où tu vas tout faire péter. Qui a envie de payer 30€ de Season Pass pour Just Cause 3? Enfin, on arrive à un point où n'importe quel jeu maintenant a son Season Pass, n'importe quel jeu a sa version Deluxe avec des poils pour son flingue. Enfin, voilà, c'est un peu triste. Maintenant, je dis pas, et je suis bien conscient que DICE et EA vont surfer sur la vague de folie qu'il va y avoir à la sortie du film et qu'ils en profitent un maximum. Et c'est normal. Ouais, bah normal, enfin je sais pas si on peut commencer à dire que c'est normal, mais je trouve que 50€ pour un season pass, c'est... Ouais, oui, mais attends, je comprends que le, a priori, c'est un des season pass peut-être les plus chers qu'on a jamais vu, mais ouais. On connaît pas encore vraiment le contenu. Ce qui est déjà scandaleux, parce que ne pas connaître le contenu... Bah ouais, voilà, c'est comme, d'ailleurs ils l'ont annulé, la formule de précommande de Deus Ex, ils ont fini par arrêter, parce que plus les gens précommandaient, plus ils avaient des bonus, et sans savoir ce que c'était, enfin c'est un peu honteux quoi. C'est encore autre chose. On rentre dans le côté obscur justement du jeu vidéo, et c'est... Je suis pas choqué plus que ça, si le Season Pass a vraiment un contenu conséquent, à ce moment-là, ça peut se justifier. Après, si c'est de la merde, effectivement, c'est injustifiable. Mais malheureusement, certains le verront qu'au fur et à mesure, quoi, si c'est de la merde ou pas, ils auront payé 50€. Quoi. Après, pour faire des économies, tu peux prendre sur les stores étrangers, hein, notamment à Singapour, l'Ultimate Edition, elle est à 95€. Quoi. Ah oui, non, mais ouais. C'est quand même 95€, tu vois. Ça fait 95 boules. 95€ le jeu, quoi. Ben, c'est... Ah, surtout si à la base, la bêta vous a pas plu, c'est sûr que 80€. Oui, voilà, 95€. Trop cher, hein. 95€ le bousin, c'est clair que. Très bien. 95€, tu peux déjà te faire un resto à deux, très correct. Ah oui, non. Hein. Je pense qu'il a bouffé celui-là. Je pense qu'il a dragué à bouffer. Qu'est-ce que le restaurant vient faire? Ouais, bah je l'ai. C'était l'autre sans mauvaise foi de Rhône. Bon, on va quitter doucement la galaxie lointaine. On va revenir sur Terre pour notre deuxième partie qu'on va faire un peu plus courte parce qu'on a quand même pas mal parlé. Et ça s'est passé, passé très très vite. En tout cas, on s'est fait plaisir autour de Star Wars. Et donc, on va repartir sur notre deuxième partie, la zone un peu plus libre. Allez, on va vite fait attaquer cette deuxième partie. On va essayer d'enchaîner un petit peu. En plus, alors il y a David qui venait de râler qu'on était, on était un petit peu en retard. Il a mis 30 millions d'informations sur le. il a prévu une émission à lui tout seul, je pense. On va lui laisser les clés avant de partir. Allez, on va attaquer la zone libre. On a pas mal de petites choses sympas à vous proposer. Je vais laisser la parole à Manji qui, lui, reste dans l'espace parce qu'il veut nous parler un petit peu de Elite Dangerous. D'ailleurs, il y a eu un test plutôt sympathique qui est apparu sur Xboxygen. Et aussi de Star Citizen. Il va confronter les deux univers. Alors. Attention Manji, hein. Et tu te lâches non, pas. Je vais rester, je vais rester, de rester calme. Concentré quand même. Hein. Parce que là, sinon, on va dormir ici. Allez, vas-y. Non, c'était surtout pour parler de, bah, d'Elite Dangerous. Star Citizen, c'est vraiment parce que ça fait l'actu en ce moment, notamment avec les 80 millions de dollars qui ont été amassés avec le financement participatif. Et où sont les sous-sous ? On ne sait pas vraiment. Bon, a priori, c'est fin décembre, je crois, il devrait y avoir une bêta qui sortira, donc avec un petit, voilà, une partie du monde persistant qui existera de Star Citizen. Mais voilà, moi j'avais surtout envie de parler d'Elite Dangerous parce que c'est un jeu que, bah, que j'apprécie énormément depuis, bah, depuis bientôt un an maintenant, puisque j'y joue sur PC et en plus sur Xbox One. Donc là j'attends des potes qui le prennent pour pouvoir jouer avec eux sur PC quoi, j'en suis bon, je suis un petit joueur comparé à certains sur Elite, mais j'en suis à 170 heures à peu près de jeu. Et voilà, je m'en lasse pas et c'est vrai que c'est bah, c'est un jeu qui est en perpétuelle évolution. Je sais pas si vous avez un peu suivi. J'allais dire, explique un petit peu le concept de jeu pour ceux qui connaissent pas du tout. Concrètement, Elite Dangerous, c'est un MMO spatial en fait. Hein. Donc, on se retrouve aux commandes d'un vaisseau et on a aucune info de ce qu'on doit faire. Voilà, on fait ce qu'on veut. Donc, on peut aller de station en station. On a l'univers qui est retranscrit. Donc, on a environ 400 milliards de systèmes solaires. Qui sont voilà, il y a de la place, il y a de la place. Il y aura peut-être même une place pour Rhône avec des grognons. Je pense qu'il y a une planète grognon quelque part là-dessus. Est-ce qu'il y a Hoth ? Alors, je l'ai pas encore trouvé. Je vais pas chercher non plus. Parce que ça m'a tellement traumatisé sur la parce sur que ce, parce que ce serait peut-être un moyen d'avoir Hoth en plus que Il est taquin. Donc sur Elite, on fait un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut faire du commerce, donc c'est-à-dire amener des marchandises d'une station à une autre, donc contre de l'argent. On peut remplir certaines missions, on peut faire de la chasse à prime, on peut faire de l'exploration tout simplement, c'est-à-dire on part avec notre vaisseau à l'autre bout de l'univers et puis récupérer des informations et puis on se fait de l'argent par rapport à ça. Donc pourquoi c'est une actualité intéressante Elite, c'est qu'en fin d'année là on va avoir le premier premier, j'aime pas dire DLC parce que c'est pas vraiment un DLC, il fonctionne par saison, c'est-à-dire que chaque année on va avoir des nouveautés et là c'est l'atterrissage sur les premières planètes, donc sur les planètes sans atmosphère. D'accord. De nouvelles surfaces à explorer. Donc on peut déjà sortir des vaisseaux ou ça va être on pourra sortir du vaisseau. Tu pourras atterrir sur les planètes. Donc tu sortiras de ton vaisseau avec un petit véhicule. Donc Mass Effect quoi. Mieux que le Mako quand même. Hein. A priori, ça sera mieux. Et donc, on pourra explorer. Il y aura aussi des bases retranchées là-bas, donc qui pourront nous attaquer. Donc, je pense que ça pourrait être pas mal. Et puis, on a toujours la menace de la civilisation extraterrestre qui doit apparaître incessamment sous peu. On ne sait pas quand. Tant qu'on n'a pas la menace fantôme, tout va bien. Donc voilà, donc j'invite voilà tout le monde à au moins essayer sur Xbox One. Il y a une heure d'essai donc de démo. Ouais. Donc bon, ça reste très très basique hein, puisque ça sera pour apprendre à manier le vaisseau, à atterrir, à décoller. Ça reste très basique, mais ça donne déjà une idée parce que bon, c'est pas un jeu qui est qui est à mettre entre toutes les mains parce que ça va pas plaire à tout le monde. C'est beaucoup basé sur l'imaginatif, sur le roleplay en fait. Hein, donc on peut suivre sur le net différentes infos avec des gens qui créent des univers et qui créent des histoires, donc c'est assez intéressant. Est-ce qu'on peut conseiller ce jeu-là aux gens qui veulent perdre leur vie sociale ? Ah oui, complètement. Bah c'est un MMO, hein, donc voilà. c'est le truc, voilà, c'est le style de jeu où tu bon allez, je fais une dernière mission avant d'aller me coucher et puis voilà, une heure et demie après t'es encore là quoi, t'es encore dessus, donc c'est super prenant. En plus, c'est très bien de voir ce genre de jeu arriver sur console, parce que je trouve que les consoles s'ouvrent de plus en plus à des jeux qui sont à la base exclusivement PC. D'ailleurs, on commence à avoir la maladie des PC, les early access, etc. Moi, je suis pas un grand fan des early access, mais je trouve ça bien qu'il y ait des jeux comme Elite Dangerous qui débarquent et ça permet d'offrir aux joueurs vraiment en termes de choix de jeu. On l'a déjà dit, là, on est déjà sur une fin d'année assez intéressante sur la Xbox One. Et d'ailleurs, c'est une exclu Xbox One PC, c'est pas sur PS4 ni c'est sur. C'est pas sur PS4, non. D'accord, c'est pas sur d'autres consoles c'est, non plus. C'est PC Mac à l'origine, c'est sorti sur Xbox One là. Il faut savoir que sur Xbox One, la jouabilité, elle est vraiment bien foutue parce que tout passe par le pad. D'accord, parce que c'était pas évident, parce qu'il y a beaucoup de boutons dans ce genre de jeu. Il y a énormément de boutons sur PC, donc au clavier, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais sur Xbox One, ils ont fait du bon boulot. Et a priori, ça joue un peu comme Octodad, 40 doigts partout ou c'est... Ouais, c'est pas comme le fameux jeu sur Xbox, là, comment il s'appelait ce jeu avec le matos là, que tu avais. Ah, avec le... J'ai perdu le nom. De... le jeu de méca qui est énorme. Bon, bref. De Capcom. Oui, je vois. Ça vous aidera pas du tout, mais oui, je vois. Toi aussi, tu vois. J'espère que Bon, on voit tous de quoi on parle, voilà. C'est bien. Et puis il y aura certainement l'ajout des commandes par la voix avec Kinect, qui sera mis à jour prochainement. Bon, donc ça, c'est une bonne chose. Ah bah, Kinect va servir à quelque chose. Je pense que ça a donné envie aux gens, en tout cas. Donc, Elite Dangerous est disponible en version définitive depuis pas longtemps et vous pouvez donc le tester pendant une heure sur Xbox One. Et donc, c'est sur PC, Steam, etc. Enfin, bref, vous pouvez vous faire plaisir sur PC et console. David, tu m'as mis 30 millions de trucs. Alors, lui, il voulait juste parler absolument en fait, tous les jeux de fin d'année, de l'année prochaine. Non, mais je vais passer super rapidement. Donc, vu que tu parlais, effectivement, on est en contrat avec Xbox Hygiene. Donc, je veux dire qu'on a quand même une fin d'année monstrueuse sur Xbox One. Il faut être de mauvaise foi pour dire le contraire. Quand même. Ouais, carrément. Enfin, surtout qu'il n'y a rien en face. Quoi. Pas... Si, finalement, il y a une Till Dawn que, au final, ah, je l'aime bien. Tu me fais plaisir, je l'ai fini, il est merveilleux. Oui, j'ai avancé dans le jeu et au final, je l'aime bien. Il y a un jeu qui se démarque. Voilà, un. Ouais, au début, je pensais qu'il n'y avait rien du tout, donc un, je trouve ça pas si mal. C'est vrai. on passe avec Forza, avec Halo, avec Tomb Raider, même si c'est un remaster, c'est toujours le pied de rejouer à Gears of War. Exact. Mais ils ont fait un travail super et il n'y a pas à dire, tu joues, et le premier que tu te dis c'est... Putain, c'était quand même le boss, quoi. C'était. Ouais, ça marche toujours. Autant il y a des jeux qui vieillissent. Ça marche toujours. Ça marche très bien. Voilà, tu mitrailles à tout va et tout de suite tu prends plaisir. Tu dis ouais, ils avaient quand même fait un putain de jeu de ouf, quoi. Exactement. Je suis d'accord. Je valide. Et donc ouais, ça fait quand même pas mal de bons jeux sur la One et voilà. T'es content. Ouais, c'est chouette. Voilà, puis en plus, il va y avoir du Quantum Break bientôt, Scalebound qui a l'air intéressant. Donc on aura des jeux en plus l'année prochaine qui ont l'air plutôt sympathiques encore une fois sur One. Donc, l'avenir à l'année prochaine aussi. Pour quel jeu l'année prochaine Gears of War 4. Avec Gears of War, j'ai un peu plus peur. Moi, j'ai pas été convaincu parce que j'ai vu. C'était quand c'était à la Gamescom là. Ils vont pas se louper, ces Gears. J'espère en tout cas. Ça va rien dire, ouais, parce que bon, depuis que c'est plus. Ouais, c'est plus, ouais, c'est exactement ça. Cliff Bleszinski qui est plus, mais bon, il y a quand même. Ils ont créé un studio exprès, en tout cas, pour faire du Gears. J'espère qu'ils vont pas faire du Gears pour en pensant réussir à faire du Gears. C'est ça que c'est pas forcément évident de trouver la bonne recette. Je suis clair non plus, mais bon. On verra bien. A priori, Phil Spencer est quand même vachement concentré sur ce qu'ont envie, ce qu'attendent les joueurs, donc bon, ça peut... C'est vrai qu'au niveau com, je trouve qu'ils ont quand même changé pas mal de choses, et je les trouve assez bons, moi, depuis quelques temps, notamment d'ailleurs, bon, rien à voir, dernière conférence qu'ils ont fait, il est très très bien, et la dernière conf Microsoft en termes de hardware est quand même assez impressionnante par rapport à ce qu'ils faisaient d'habitude. Moi, je trouve qu'ils sont en train de remuer un petit peu les choses, et je pense qu'ils vont dans le bon sens. Alors, tu voulais parler aussi de Far Cry Primal, juste en profiter, parce que, moi, on le sait, j'aime les Far Cry, j'aime les animaux qui nous foncent dessus, et celui-ci a l'air quand même assez sympathique. Ouais, c'était pour avoir un petit peu l'avis de tout le monde, parce que c'est une annonce comme ça qui arrive. C'est pas souvent qu'on a des annonces en fin d'année, alors que justement c'est la période des sorties. Généralement, on n'annonce pas grand chose. Ils pouvaient pas sortir leur The Division avant de faire des annonces de Far Cry. VGX. Ouais, VGX. Moi, c'est le premier Far Cry qui m'intéresse. Ah, c'est les mammouths. Je suis pas très amateur de cette série. C'est le premier Far Cry où il n'y aura pas de, de station de radio pour aller découvrir l'environnement. C'est vrai. Il faudra monter en haut d'une, d'un arbre, ça va être génial. Ouais, peut-être d'un arbre ou d'une montagne, on ne sait pas. Mais... Ça va être cool. Un mot quand même. Après, est-ce que... excuse-moi. Après, est-ce que ça va être vraiment... vu que l'annonce elle a été quand même balancée comme ça suite au leak, on ne sait pas si c'est... Alors, c'est... apparemment, c'est un jeu boîte, vu qu'on on voit... C'est le... un jeu boîte, ouais. Ouais, ouais. Mais est-ce que ça va être un jeu... Est-ce que ça va être juste une copie, genre le dernier Far Cry? Ou t'as peur, d'un, t'as peur, tu penses à un côté Blood Dragon, peut-être plus jeu... Ouais, voilà, est-ce que ça va être un jeu vraiment ils ont poussé avec une vraie histoire et tout ça, ou est-ce que c'est juste, tu vois, une adaptation... La guerre du feu? Ouais. Et pourquoi ils ont pas fait Blood Dragon 2, putain? Moi je voulais Blood Dragon 2 avec une BO épique comme à l'époque, avec plein de vannes et plein de trucs fluo en 1080p. Mais bon, c'est pas... Moi je prends le mammouth, les mammouths ça me va, si je peux aller déglinguer un mammouth avec une lance, moi je trouve ça plutôt cool. Un petit mot sur Uncharted 4, parce qu'après on va nous traiter quand même de mecs bloqués sur la Xbox, ce qui est pas le cas du tout, je pense que vous nous connaissez, c'est pas dans plus 40 émissions, mais ceux qui ont l'habitude de nous écouter savent qu'on n'est pas bloqués là-dessus. Mais Uncharted 4, moi je suis carrément hypé à mort par le jeu parce que ça a l'air quand même carrément cool. Qu'est-ce que t'en penses, David? Tu voulais en parler justement. Vas-y, dis-nous ce que t'en penses de Uncharted 4. Eh ben moi je suis pas hypé du tout. Hein. Oh merde. Ok. Putain, elle est vendue, c'est pas possible. Non. Ah, moi attends, je suis plutôt hypé, moi. Ouais, laissons terminer. Ouais, ce qui est assez étrange d'ailleurs, parce que t'as toujours été plutôt froid sur les Uncharted. Bah, il aime le 2. Maintenant, ouais. Je suis plutôt de ton avis, quoi, de ce que j'ai vu. D'accord. Ouais, c'est magnifique, c'est très beau, mais c'est toujours, t'as toujours cette impression d'avancer tout droit et de... Ah, je suis pas d'accord. Là, je suis d'accord, c'est un couloir. Ah, c'est un théâtre, ce qu'on a vu. Attention, moi, c'est l'Uncharted 3 hein, qui m'a saoulé, mais le 4, ce qu'on a vu pour l'instant. Moi, j'ai fait le 2. Moi, si. Non, je suis pas d'accord avec vous. Je sais pas. Après, moi, j'ai rien contre. Si c'est bien mené comme dans le 2, je suis prêt à me laisser convaincre. Le couloir qui est bien mené me va. Ce qui a été montré du 4, j'ai trouvé ça plutôt bluffant et intéressant. Mais c'est vrai que sur la distance, j'ai plus envie qu'on me resserve un plat avec juste du QTE et un chemin prédéterminé. Quoi. J'espère qu'ils vont faire un peu plus que ça. Sinon, je vais passer mon chemin. Mais j'y crois. Non, mais regarde, pas mal. Parce qu'entre les deux, ils ont quand même fait The Last of Us où il y avait un gameplay qui était plus évolué. Donc, Naughty Dog est capable de faire un peu de gameplay. La scène d'action qu'on a vue dans la montagne où l'action est vachement verticale, où tu es obligé de passer un peu par les côtés et tout. Enfin, c'est un peu de l'inédit quand même dans le chart. Ah, bah oui, mais c'est ce qu'on connaît depuis la nuit des temps dans Tomb Raider. Ouais. Il serait temps. Ah, la nuit des temps, c'est. Ça, ouais, là, ah, si, quand même. Oui, c'est la nuit des temps. La poursuite en 4x4 qui me faisait penser à Tintin, c'est la même mise en scène. C'était... Oui, ouais, mais ça, c'est ouais, mais c'est génial. Enfin, ouais, je trouve qu'en termes de. C'est bien caché. Là, je trouve que justement, on ça trouve le côté. C'est un film interactif, quoi. C'est comme ce qui est sorti en début d'année, là, qui a fait un bide monumental, mais qui était une claque graphique. Ah ouais, Zero. Mais ça, c'était à chier, ça. Bon, bah. Ouais, mais tu vois, là, du coup, je suis entre les deux parce que moi, je suis d'accord que c'est bien caché. Et c'est pour ça que je suis intéressé quand même et que j'attends quand même de voir ce que ça donne. C'est bien caché, mais c'est là. C'est quand même. Je suis pas fermé. Il a l'air bien. Moi, mais... t'es plutôt open comme mec, ça va? Ouais, je suis plutôt open. Ok, ça roule. Bon, mais j'ai quand même des gros doutes. Très bien. Bon, on va avancer un petit peu. Tu voulais parler alors rapidement. Alors, je te laisse quand même tout faire tes trucs, hein, mais rapidos. Ouais, c'est le film Assassin's Creed. Ok, vas-y, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Est-ce que ça va être aussi chiant que les jeux? C'est une grosse galère qu'ils se sont embarqués à ouvrir un studio pour faire des films à Los Angeles. Ça fait des années qu'on nous bassine avec ce film. Là, ça a l'air quand même d'avancer. Ça avance, ouais. Le directeur, c'est Justin Kurzel, le mec qui fait Macbeth, qui sort... je sais pas quand d'ailleurs, bientôt. Avec Marion Cotillard. Ouais, avec Marion Cotillard et Michael Fassbender, les deux mêmes acteurs. Bah, je dirais que le script avec Fassbender est bon, quoi. Bah, ouais. Pas dans tous les films, mais bon, après, c'est chacun ses goûts. Mais le script a été écrit, réécrit, réécrit. Je sais que Fassbender a même participé à l'écriture du film. Putain. Ouais. Non, c'est pas forcément bon signe. Je sais pas si c'est un bon scénariste. Non, c'est pas forcément bon signe. Ils ont fait un cadavre. Non, c'est quoi? Pourquoi il se dit, mais pourquoi il grimpe partout, le mec? Pourquoi il est toujours en train de grimper sur des trucs? On peut pas le faire marcher au sol. Ce qu'il faut savoir, c'est il se croit dans une charcuterie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le héros s'appelle Callum Lynch, donc rien à voir avec Kenan Lynch. Callum. rien à voir avec une référence dans les jeux qu'on connaît de Assassin's Creed. C'est une histoire complètement inédite. Même si voilà, le pitch est le même. Hein. Il découvre qu'il est un des descendants d'une société d'assassins, une société secrète d'assassins, et que grâce à ses souvenirs qu'ils peuvent déverrouiller dans les gènes, il va pouvoir revivre les aventures de son ancêtre. Donc on reste sur le même truc, mais à côté de ça, c'est une histoire complètement inédite. Ok, moi j'ai peur. Bon, ça a l'air d'avancer. C'est prévu pour le 21 décembre 2016. Ouf, moi j'ai peur. 21 décembre 2016, ah merde. Ouais, je crois. je crois, ouais, j'ai vraiment... Bon, j'attends, on va attendre de voir les bandes-annonces, tout ça, mais c'est vrai que ça me fait un peu flipper. C'est pas la série de jeux que j'aime d'amour le plus, quoi. Donc, on verra bien, quoi. Il y a un bon acteur dedans, ils ont l'air de vouloir faire les choses bien, parce qu'il a été repoussé une paire de fois. Mmh. Mais voilà, moi j'ai un petit peu peur. Mais juste, petite aparté, vous avez déjà vu quand même que dans Brotherhood, le héros ressemble à Nagui. Le mec a la même tête que Nagui, quoi. Putain, j'ai pas fait Brotherhood, mais du coup, ça me donne pas. Regarde juste une cinématique d'intro, et je crois que le mec a la tête de Nagui, ça m'a un petit peu fait du mal, donc j'ai arrêté le jeu. Là que j'aimais pas, j'ai dit, putain, il y a Nagui. Du coup, j'ai arrêté. Et le tournage du film commence la semaine prochaine, en fait. Ah, d'accord, donc c'est vraiment bien parti, donc on va. Est-ce qu'il y a un autre épisode avec Jean-Luc Reichmann? Et après, ils ont une deuxième licence qui est en cours avec. Avec Splinter Cell et Tom Hardy qui a signé pour jouer dans Splinter Cell. À Splinter Cell, il y a moyen de faire un bon film d'action. Ils ont des grosses têtes d'affiche, donc ouais, j'y crois plus. Hein, Splinter. Ben, pourtant, si, c'est carrément sur les rails. Hein. Ah, mais en plus Tom Hardy, voilà, moi c'est un acteur que j'aime beaucoup. Donc après, il a la tronche qu'il faut, il a le charisme qu'il faut, il a même plus que Sam Fisher d'ailleurs. Donc je pense qu'il pourra apporter quelque chose au personnage. Et c'est là, bon, c'est tout tracé. Hein, là, pour faire un film, c'est un peu plus fastoche. Et ce qui est hallucinant, c'est que ce sont les deux acteurs, Fassbender et Tom Hardy, qui sont allés voir le studio d'Ubisoft pour dire qu'ils étaient OK, quoi. D'accord. Bah, c'est incroyable. Ce qui est vrai, c'est plutôt bon signe. Donc, ouais. Après, bon signe, je sais pas, mais... Non, mais si, parce que quand t'as des mecs qui vont vers des... Enfin, je pense quand même que maintenant, c'est des mecs, c'est des superstars. Là, Hardy, avec Mad Max, il a atteint quand même une renommée assez importante. Donc, s'il reste sur ce projet-là, c'est qu'à mon avis, ça va être plutôt intéressant. On verra ce que ça va donner, en tout cas, sur donc Assassin's Creed et Splinter Cell. Donc, on aura des infos l'année prochaine. Moi, je vais faire l'impasse sur ma critique, parce qu'on commence à être long. Rhône, tu as le choix entre parler de Battle Island, qui est un free-to-play sur One, ou My Singing Monsters, qui est un jeu de tablette. Ouais, je vais faire les deux, mais on est voilà, accélère. Battle Island, un free-to-play sur One, que j'ai découvert, donc je m'y suis mis, parce que c'est exactement le genre de jeu que j'aime, que j'aime sur tablette d'ordinaire. On gère une ville, on dépense des sous pour faire une armée, etc. Alors, c'est la première fois qu'il y en a un comme ça sur One. Il est même pas très bien fait et très intéressant. Mais à chaque fois que j'allume ma console, et ben voilà, je vais regarder où en est mon armée. J'aime bien. J'ai pas encore fait mon clan Xboxygène. Dès que j'aurai assez d'argent pour le faire, je le ferai. Et puis voilà. Enfin bon, c'est pas le jeu de l'année, loin de là, c'est même... Je crois même que c'est pas bien, en fait. Mais j'aime bien. Donc, tu passes, bon, en même temps, on peut laisser gratuitement, du coup. Voilà. Ouais. Et il y a un truc qui m'éclate là sur ma tablette, c'est un petit jeu qui s'appelle My Singing Monster. Alors si je la trouve, je vais mettre la musique derrière ma voix pendant que je suis en train de parler. Donc c'est un petit jeu où on fait éclore des monstres, et les monstres chantent. Ils chantent chacun un petit bout d'un truc. Et plus on débloque de monstres, plus on fait une chanson complexe, qui devient donc une chanson complète, jusqu'à ce qu'on aille dans l'huile suivante, etc. Alors c'est gratos comme jeu. Et moi je trouve ça super drôle, les monstres ils ont des tronches géniales, les chansons sont rigolotes, voilà, ça coûte pas un rond, quand on va aux chiottes et qu'on en a marre de jouer Angry Birds, et ben autant essayer My Singing Monsters. Ouais, David, tu sais comment remplacer donc Angry Birds Star Wars, c'est plutôt une bonne chose. Merci Ron Timasson. Tu étais très rapide, bravo. rapide, franchement, hein, c'est ce que dit toujours ta femme, tu es très rapide, et ça c'est. Ouais, c'est ce qu'elle dit souvent. Ouais. Ah, c'est nul, hein, bah ouais, mais bon, il est tard maintenant. Hein. C'est moche, mais. Je la voyais venir de loin, celle-là. Elle était tellement énorme. Ok. C'est ce que dit ma femme aussi. Ouais. Ah, c'est génial. Ami du bon goût, bonjour ou bonsoir. Alors, moi, je vais faire deux trucs très rapides, moi aussi. Alors je vais te dire quand même ma critique vite fait. Moi il y a un petit jeu que j'ai plutôt aimé sur Xbox One aussi, mais sur PS4, sur PC. C'est Guns, Gore and Cannoli, qui est un shoot un petit peu à la Metal Slug dans l'univers un petit peu de la mafia dans les années, je dirais 60 je crois. C'est pendant la quand on dit des trucs d'alcool, je sais plus, merde. La prohibition, oui, voilà. Donc il y a une ambiance qui est plutôt cool, très bande dessinée. Il y a des petites cinématiques comme ça, un petit peu type BD. Il y a pas mal d'humour, ça parodie un petit peu, bah forcément le Parrain, etc. On a même un personnage au début qui ressemble énormément au personnage du Parrain, Marlon Brando. Donc on est un peu dans cet univers-là. Donc c'est très gore, bien sûr. Il y a des zombies, c'est un peu aussi à la mode. Donc c'est un petit jeu qui est fait par une équipe belge. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Il y a quelques petits trucs de gameplay qui empêchent d'avoir un côté très nerveux un petit peu tout le temps. Mais il y a des fusils à pompe, donc moi je suis heureux. Je trouve que l'interaction avec les zombies est plutôt sympa. Il y a pas mal d'humour. Ça se joue bien. Ça coûte 10€ et vous en avez pour à peu près 4 à 5 heures de jeu si vous êtes nul comme moi. Donc il y a moyen de s'amuser pour ce prix-là. Je vous invite à regarder un petit peu les vidéos sur Internet. Vous verrez, c'est plutôt cool. Et je voulais parler aussi d'un projet, et après on va conclure sur forcément un genre qui me parle énormément. C'est le slasher. Et donc il y a un jeu vendredi 13 qui a été annoncé. Ouais, j'ai vu ça. Donc sur Kickstarter, donc là ça se trouve normalement Ron qui est le roi du montage maintenant va pouvoir mettre ça en ligne assez rapidement, donc vous pourrez encore aller voir, je sais plus quand est-ce que ça s'arrête le Kickstarter, mais donc ils sont en quête de $700,000, donc c'est un jeu un petit peu à la Left 4 Dead on va dire, où un personnage va jouer Jason, donc Jason Voorhees, le sympathique tueur masqué de vendredi 13, et donc on aura les autres joueurs qui vont interpréter les adolescents qui fument des pétards et qui forniquent dans les toiles de tente et qui vont forcément provoquer la fureur du tueur masqué, et donc on va jouer comme ça un peu en coopératif, donc il y a un joueur qui va se balader un petit peu partout, qui va essayer de tuer tout le monde et les autres vont essayer de survivre et de se défendre. Donc ça a l'air plutôt sympathique, ça va tourner sur l'Unreal Engine 4, c'est développé par Gun Media, et en tout cas la vidéo est plutôt prometteuse, en tout cas ça a l'air plutôt sympa, c'est voilà, du coup je suis très curieux de voir un petit peu ce que ça donne. Alors je suis pas du genre à donner des sous dans les campagnes, donc mais là j'avoue que j'hésite, donc je vais voir un petit peu comment ça avance et suivre un petit peu ça de tout près. Et en tout cas j'ai hâte de voir ça arriver. C'est prévu sur PlayStation 4, Xbox One et PC, donc tout le monde pourra jouer sur nos consoles nouvelle génération, on espère en 1080p s'il vous plaît, ça serait plutôt sympa. Alors c'est jusqu'au 14 novembre, voilà, je vois ça en direct, donc allez jeter un œil si ça vous plaît, donner des sous et comme ça j'aurais pas donné les miens, c'est plutôt merde. Ok, vous en pensez quoi? Juste vite fait, je vais faire un petit tour parce que je sais qu'il y a des fans un petit peu d'horreur aussi, donc Ron, hein, ça on le sait. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, ce sera. Je vais en reparler. J'avais gardé pour notre prochain podcast du bruit de fond. Ah bah voilà. Ce vendredi 13. Et moi, je trouve ça super cool, quoi. Je trouve ça hyper. Ok, bah c'est cool, David. Qu'est-ce que t'en penses de vendredi 13? Pas fan du tout de ce genre-là, donc aucun avis. Je ne connais même pas. Oh là là là! D'où il sort celui-là? D'une autre galaxie! Qu'est-ce que c'est que ça, mon dieu, vendredi 13? Ah, les petits adolescents qui se font plomber par un mec avec une grosse machette! Merde, c'est la base! Machette dans la ah, gueule. C'est la base! Manji, sauve l'honneur! Bah oui, c'est la base quand même! Hein. Ah, attends, ça me fait plaisir! Eh oui! Vendredi 13, c'est clair, ça a bercé toute l'adolescence, quoi! Et donc, c'est un projet qui pourrait t'intéresser, toi, en multi? Ouais, effectivement, ouais, c'est clair! Entre potes et tout comme ça, jouer à ce... Ah bah sûr, pas avec mes gosses, hein, mais... Ah, et bah ça, forcément. C'est forcément. Non, c'est clair. Ça peut te tenter aussi. Eh bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, je pense qu'on a fait le tour déjà de Star Wars, et on s'en a fait quelques petites informations plutôt sympathiques. On va se dire au revoir, on va dire au revoir à Ron Xboxygène, d'ailleurs à David aussi, hein, David Kenobi, Xboxygène, tous les deux, vous êtes de la même famille, vous êtes du même sang, hein, sur Internet. Ah, vous travaillez en coopération. Les deux sur Xbox, les deux consoliens. Donc, on vous retrouve tous les deux sur Xbox Gen. Merci, Ron. Merci à tout le monde d'être là, comme d'habitude. Ça fait plaisir. J'espère que tu as passé un beau moment, encore une fois, pour ce deuxième numéro. Oh, mais ouais, alors là, j'ai essayé d'être suffisamment virulent pour me faire détester par un maximum de gens, voir si ça marche. T'essaies d'entretenir ta cote de popularité. Bah. Ouais, c'est pour ça, j'ai une réputation. Envoyez vos messages d'insultes sur Xboxygène ou sur pcqdg.com, hein, on fera passer directement chez lui. On donnera pas l'adresse directement parce que ça se fait pas quand même, hein, mais voilà, n'hésitez pas à polluer nos commentaires. Enfin, David, mais le numéro de téléphone on peut, hein, donc 06. Oui, hein, David le traître peut vous filer son numéro de téléphone, il n'y a aucun problème. David, est-ce que tu as été content d'être parmi nous aujourd'hui? Très heureux d'avoir participé à ce premier podcast pour moi. Ah bah écoute, on est content d'avoir été là pour ta première fois. Ouais, merci beaucoup. Ouais, c'était mon dépuissage. Ouais. C'était un véritable plaisir de t'avoir avec nous. C'était super. Même si voilà, tu as pu nous parler exclusivement de Angry Birds Star Wars, on a été content de t'avoir avec nous. Voilà. Manji Maru, maître bah, écoute, Sega. C'était un vrai plaisir d'avoir participé à cette émission. C'était franchement super sympa. Bah écoute, un grand plaisir à partager encore une fois. Et puis voilà, donc maintenant bah c'est à charge de revanche que tu viennes un peu chez nous. Mais d'ailleurs que ce soit chez Sega Legacy, chez nous tout ça, quelle est ton actualité, Manjimaru? Actualité, c'est un bien grand mot, mais disons que j'officie sur sega-legacy.fr, donc site entièrement dédié à Sega et non pas à Sony. donc où on parle des machines c'est dit. Des machines d'antan, donc de la Master System, de la Mark III, donc la Master System japonaise, pardon, la Mega Drive, la Saturn, surtout la Dreamcast. On parle d'arcade aussi, voilà, on parle de tous ces titres qui ont fait la grandeur de Sega et qui malheureusement ne font plus Sega aujourd'hui. Ah oui, on pourrait faire un podcast, hein, c'est avec plaisir, une fois qu'on reparle de Sega, sur ce qui est devenu Sega en peu de temps, ça peut être intéressant. C'est clair. Et sinon, jeuxdepixel.fr, donc vous aussi oui. avec Azura. Ah, Azura, et... Rhône, tu connais Azura? Ah, Azura. J'aime bien Azura, Rhône. Voilà, donc là, toujours la même chose, un podcast par mois, donc, et puis des publications, vidéos, articles, comme d'habitude, sur l'ensemble du jeu vidéo, que ce soit les jeux rétro actuels ou néo-rétro, voilà. Alors juste une chose, je reviens vite fait sur Sega Legacy, je trouve ça très bien, en fait vous partagez aussi beaucoup des articles d'autres podcasts, d'autres blogs, enfin voilà, tout ce qui parle un petit peu de Sega, vous avez une partie de temps en temps, vous partagez un peu le contenu des autres, et c'est toujours bon enfant je trouve de partager, de pas se limiter à son propre univers et de voir un peu plus large, moi je trouve ça plutôt cool, on essaie de faire ça aussi en invitant un peu, bon il y a beaucoup trop de gens d'Xboxygène, ça c'est clair, ils sont un peu relous, mais bon le contrat oblige à avoir un quota d'Xboxygène c'est plutôt cool, on essaye aussi de partager un petit peu avec le maximum avec d'autres blogs et d'autres podcasts, mais c'est plutôt bien vu de faire ça, donc on vous invite à aller écouter les podcasts de Jeux de Pixel, de Sega Legacy pardon, et de voir un petit peu tout ce qui se passe sur les blogs, donc moi aussi je vais vous dire merci de nous avoir suivis pour ce deuxième numéro, je pense qu'on a réussi à coller à peu près au niveau temps avec notre deuxième partie, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures, n'hésitez pas à nous donner des étoiles sur iTunes, à partager, à commenter surtout, à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça, et donc on se retrouve sur pcqdg.com, on se retrouve sur Xboxygène pour discuter un petit peu de tout ça, et on vous remercie de nous avoir suivis pour ce deuxième numéro, à très bientôt tout le monde, ciao. Salut.